Attention, ici votre droïde de protocole T1BB, relation podcasteur, auditeur. L'équipage du Faucon Millénial étant un peu lent, cet épisode a été coupé non pas en un, non pas en deux, mais en trois parties. Ceci est la seconde partie. Merci de votre compréhension et bonne soirée ou journée. Et du coup, pendant ce temps-là, sur l'île, Ray est en train de s'entraîner avec son petit bâton. qu'on la voit pas, d'ailleurs, utilisée jusque-là, vraiment, dans la trilogie, à part contre les gars dans l'épisode 7. Mais ouais, bon, on verra si elle utilisera plus son petit bâton. Et du coup, elle se rend compte que pourquoi elle s'entraîne avec son petit bâton, justement, parce qu'elle a un petit sabre laser. Ça fait plus de dégâts, je pense. Donc, elle le récupère. Et puis, Luke l'observe. Il y a Ray qui casse le... qui coupe le truc en deux. Et il y a la scène préférée de Chucky. Une des scènes préférées de Chucky, c'est... la brouette. Là, elle rigole parce qu'elle est en train de regarder. Oh. À gauche, je fais comme celle qui a les bâtons encore dans la main une fois que la boîte est pétée, qui lève les yeux en mode. T'es sérieuse ce que t'as fait. C'est une espèce de mood complètement blasé. C'est trop bien. Ce regard qui dit putain, vivement qu'elle se barre celle-là. Ah, déjà, on avait l'autre, mais elle est encore pire. Dans la novélisation, elle la trouve turbulente et. Et elle, au début, elle l'aime pas, et Luc raconte un moment. Alors, ouais, c'est ma nièce, et du coup, elles sont genre, mais bon, c'est la nièce du gars le plus sympa qu'on a eu, alors on va la tolérer. Mais... Alors que s'il leur avait dit, si c'était son vrai neveu qui était avec lui, genre, elle comprendrait très vite que c'est pas parce que c'est la famille que ça veut dire ses excuses. Donc ça les saoule que Ray soit là, mais elles acceptent qu'elle reste parce qu'elles aiment bien Luc, parce qu'il est très poli, très serviable. La vérité, c'est surtout que si Ray finit par se faire un petit peu former par Luc, c'est parce qu'elles l'ont tanné pour la former. On n'en peut plus d'elle, elle commence à être trop loose. Forme-la, s'il te plaît, qu'elle se casse après. On en a marre. Et d'ailleurs, en parlant de la former, c'est l'heure de la deuxième leçon. Qui est très importante vu que y a Luke qui nous rappelle l'histoire de la prélogie. Les Jedi sont nuls et ils ont laissé Dark Sidious. D'ailleurs, c'est rigolo qu'ils disent Dark Sidious récupérer le pouvoir. Sur l'histoire. Et il a vu les films depuis. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a vu des bons films que nous on n'a pas vu en fait. Mais c'est pas possible. Non, mais dans le sens où en fait, moi c'est avec ce film hein, que je me suis rendu compte que les Jedi c'était vraiment des gros nullos. Tu t'en es pas rendu compte avant ? Non, parce que j'étais un peu con, tu vois. Pour moi c'était des mecs stylés avec des épées, tu vois. Et en fait, en voyant ce film, je me suis rendu compte que en fait, depuis le début, c'est ce que voulait faire George Lucas, mais il a pas réussi, je trouve. Dans toute la prélogie, hein, notamment le 3, où en fait... Oui, en voyant TLJ. Non. Oui, ouais. Oui, il disait qu'en voyant celui-là, il a compris ce qu'essayait de dire la prélogie. Ah bon ? Oui, c'est ce qu'il disait. Après, je suis un peu con, hein, mais juste... c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, genre, les Jedi, c'est vraiment des gros cons, quoi. En fait, Ray, elle a vu la trilogie originale et elle est super fan et tout. Et t'as Luke qui raconte la prélo et elle fait genre « Ouais, mais il y avait la prélogie originale quand même !» La trilogie originale. Oui, oui, mais c'est trop drôle. C'est vraiment genre... Mais oui, mais t'as réussi à sauver Vador. Hein. Tu sais, elle est déjà en train d'essayer de dire mais pourquoi on pourrait pas sauver Ben, genre elle est là, écoute, j'ai des sentiments très bizarres en ce moment, mais je sais que je me sentirais beaucoup mieux si ce garçon très sexy devenait un gentil garçon très sexy. Peut-être que c'est plus facile de changer un garçon très sexy que Dark Vador, non ? Mais après, elle le trash quand même. Hein. Ouais, lui, il a échoué, mais... Oui, mais enfin, après qu'il ait raconté sa fausse histoire, justement. Ah oui. Ben moi, pour revenir sur ce que disait Adrien, je trouve que c'est intéressant parce que pendant toute la prélogie, en fait, elle est presque constituée comme vraiment des films à part. Elle parle très peu de la trilogie originale. Et c'est vrai que là, avec The Last Jedi, et notamment ce moment-là, on fait le liant un peu entre tout. On rappelle que c'est censé tout se passer en même temps. Mmh. C'est un moment intéressant, ça aussi, de vraiment lier les deux, parce que finalement, en dehors de quelques noms qui arrivent un peu en mode name dropping dans la trilogie la prélogie, on pourrait presque le regarder sans avoir vu la trilogie originale. Ouais, mmh. C'est pas très lié, ouais, comme tu dis. Pas parce que c'est compliqué à lier vu que ça se passe avant. Mais oui, voilà, encore une fois, on a la preuve que Rey, c'est une espèce de fan de Star Wars, et c'est pour ça qu'utiliser la force, ça fait pas partie de ses épreuves, parce que elle connaît déjà ces histoires-là, donc c'est parfois un peu difficile, mais elle a déjà un peu l'idée. C'est comme si tu te retrouvais avec une baguette magique et qu'on t'apprenait que tu étais un magicien, bah t'essaierais tous les sorts de Harry Potter, quoi. Ouais, elle a pas encore tous les concepts, par exemple, elle cherche toujours toutes les réponses à tous ses problèmes à l'extérieur d'elle-même, alors que tout ce dont elle est capable est déjà en elle, en fait. Mais elle arrive quand même, elle a déjà un niveau de plus que certains. Qu'elle a chopé, ouais. Okay. Voilà. Elle a volé à Kylo. On rappelle un Rey qui est la fille de B-1, hein. Oui. Ouais. C'est-à-dire, c'est important. C'est qu'elle n'avait pas compris. Alors, la fille de B-1 et Dooku, on est d'accord que c'était un couple. Oui, c'est ça. Réussi à prendre la Voilà. Dooku a fait la césarienne. Ouch. Bien sombre. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est après là qu'il y a le. Il s'était enfui là de Canto Bight les autres. Ah non, il rencontrait DJ. Alors qu'est-ce que vous en pensez de DJ, vous ? Moi, c'est un personnage que j'aime bien parce que finalement, moi, je l'oppose un petit peu à quelque part à Obi-Wan. Mmh. Dans cette histoire il faut voir les choses d'un certain point de vue. D'un côté, tu as Obi-Wan qui va te dire, ben voilà, je t'ai pas menti, je t'ai dit les choses d'une certaine manière et d'un certain point de vue, c'est vrai. Et il n'est pas en train de dire que les deux points de vue se valent. Il est en train de dire que ce que tu sais, c'est pas forcément c'est pas forcément le monde tel qu'il est vraiment. Des fois, tu es aveuglé par ton point de vue. Et d'un autre côté, t'as TJ qui va dire bah écoute, voilà, il y a les méchants, les gentils, ils achètent des armes et finalement les deux se valent. D'un point de vue, on peut penser que les gentils, les méchants, ça se vaut. Et finalement. Lui, il essaie pas de te dire que c'est comment je peux dire ça. Il y en a un qui a ce point de vue cynique de dire que finalement il y a pas besoin de se casser la tête. C'est toujours la même chose. T'en as un qui utilise ça d'une manière paresseuse pour se dire voilà j'ai pas besoin de choisir mon camp. Je travaille. On peut les gentils les méchants ça n'existe pas. Et l'autre qui essaie au contraire de te montrer que le monde est un peu plus complexe que ce que tu peux penser. Donc c'est pour ça que moi je trouve que finalement c'est presque les deux pendants de la même idée. Ben en plus t'as le côté que Obi-Wan il essaye de manipuler Luke. Il essaye de manipuler Luke à ce moment-là. Quand il lui raconte son histoire et tout, il essaye de lui donner envie de devenir un chevalier Jedi comme son père, etc. C'est pour ça qu'il lui dit, ton père c'était le meilleur chevalier Jedi, mais c'est devenu Dark Vador. Tu veux devenir un chevalier Jedi, je t'entraîne, comme j'ai entraîné ton père. Il essaye de le manipuler, du coup forcément il est biaisé, il omet certains trucs de vérité, donc d'un certain point de vue, tu vois, c'était pas faux, machin. Alors que DJ, il fait juste sa vie et il dit juste son point de vue. Et c'est là où c'est un personnage... Enfin, c'est pas le personnage qui... Ah, je sais pas comment l'exprimer. C'est... ce genre de truc qui est tentant et qui arrive beaucoup sur Internet avec les trucs d'alt-right et d'incel et tout, qui essayent de te faire penser que eux, ils sont influencés par personne, qui se laissent pas manipuler et qui sont neutres, alors qu'en vrai, pas du tout. Hein, ils sont extrême droite, donc ils ont une pensée très très arrêtée, très très étriquée. Mais ils essayent de te faire croire que eux, ils sont libres de la bien-pensance, tu vois. Eux, ils disent ce qu'ils veulent, donc ça. Et c'est plus tentant parce que du coup t'as pas à faire attention aux autres, t'as pas à avoir d'empathie, et tu peux juste te lâcher et faire n'importe quoi, et t'as l'impression que c'est la liberté, et c'est là où je trouvais ça super cool. C'est que j'ai vu une interview il y a pas longtemps, je sais plus, je crois que c'était de Ryan, oui c'était Ryan qui disait que dans le toute la partie du développement de Finn. Rose, c'est le petit ange, tu sais, que comme dans les cartoons, le petit ange sur l'épaule, une des épaules, et puis DJ, c'est le petit diable. Et du coup, c'est ces deux consciences à Finn. T'as le petit ange qui essaie de lui dire non, en fait, c'est important d'être du côté du bien et d'aider les autres et d'avoir l'empathie. Et t'as l'autre qui est genre non, tu t'en fous, de toute façon, on finit tous pareil, autant vivre ta vie comme tu veux. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Oui, d'ailleurs, c'est rigolo, mais c'est aussi un petit truc qui est un peu dans tout le film. Hein. Ils ont tous une personne qui va les rendre meilleurs et une personne qui va les rendre un peu moins bien. Et en général, justement, hein, dans tout le film, c'est genre, par exemple, Finn, bah, il apprend de Rose, Poe, il apprend de Holdo et un peu Leia, Luke, il apprend de Rey et un peu Leia, Ben, il apprend de Rey et un peu Leia, même si lui, à la fin, il rejette un petit peu le truc. Et justement, Finn, il rejette DJ qui est son petit démon. Ben rejette Snoke de manière un petit peu extrême, mais écoute, c'est comme ça. Et alors pour Luke, c'est différent. Luke, lui, il s'accepte en fait en tant que la personne qu'il est. Du coup, il rejette la dépression. Il accepte sa part d'ombre, il l'embrasse et ouais. Il admet qu'il est les deux et que ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais d'avoir eu des mauvais moments. Et voilà, et du coup, voilà, c'est comme ça qu'à la fin, on se rend compte que ben, c'était Holdo qui avait raison et que voilà, qu'il fallait se calmer un petit peu, que Kylo, il réussit que quand il est quand il fait preuve de compassion, et que ben voilà, la préservation de la vie a plus de valeur que l'individualisme ou la violence. C'est beau. Et d'ailleurs, c'est quand Finn s'est fait trahir par DJ et le rejette qu'il sait enfin qui il est. C'est à ce moment-là où après il fait Rebels come et du coup il assume enfin d'être part de la rébellion. C'est la construction du personnage de Finn, hein, clairement. Mm-hmm. Parce que c'est son développement. C'est va-t-il continuer dans la voie qui, enfin, va-t-il enfin se lier à une cause et se battre pour ce qu'il y a de plus grand? Ou va-t-il rester à son échelle et essayer de sauver sa peau et la peau de ceux qu'il aime et puis pas se mêler au conflit et fuir, en fait? Et lui, il choisit d'affronter le mal. Je trouve que le film, c'est un des mieux écrits dans le film. Oui, elle est cool. On en parlait avant aussi avec dans le TFA, avec sa naissance, etc. Oui. D'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'on a la petite séquence... Moi, je comprends pas les gens qui voient ça et ils se disent « Ah, ça, c'est un message anti-viande, c'est un message de propagande vegan. » Genre, ça va, c'est une séquence pour les enfants. Ouais, c'est une séquence pour les enfants avec des animaux qui galopent. Genre, y a vraiment... Je sais pas, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense vraiment que c'est... Après... Rian Johnson, c'est un cinéaste de gauche, très de gauche. Et ça m'étonnerait pas que ce soit clairement un message politique, tout ça, quoi. Comme de toute façon le Chewbacca qui devient vegan, quoi. C'est vraiment. Il devient pas vegan. Ah oui, si, Chewbacca est vegan dans ma tête. Arrête de détruire mes rêves. Chewbacca est vegan grâce au porg. Et donc, du coup, c'est vraiment, je pense, des petits messages qu'il aurait pu glisser par-ci et là. Et en même temps, comme tu dis, c'est une scène pour les enfants parce que c'est cool, ça bouge, il y a des extraterrestres, c'est sympa, tu vois. Mais en même temps, je pense qu'on peut pas nier le caractère politique qu'il y a derrière. Ah, mais c'est clairement une scène politique. Enfin, c'est les deux. Hein. Il y a un message dans une scène Oui, c'est ça. Voilà, d'action, divertissement, divertissante, notamment orientée vers les enfants, mais il y a clairement un message à ce moment-là. Ouais. Mais c'est pas forcément. Donc, juste pour être clair pour les gens qui écoutent, c'est, on parle de la séquence où. Où Chewbacca est en train de manger tranquillement à côté de du faucon. Non, on parle de la. Des Fathiers sur Cantobite. Ah, bon ben vous voyez c'est intéressant d'en parler parce que moi j'étais mélangé, je ne me souviens plus de quelle scène on parlait. Et lorsqu'il libère les espèces de lévriers géants qui ravagent entièrement le casino. Ben ça, c'est plus le message politique. Oui. Bah, tout, enfin. Hein. Quand Cantobite, c'est Monaco. Enfin, ça, c'est. Ouais. En gros, hein, donc. Il y a la partie poursuite, effectivement, mais toute la partie où ils démolissent tout le casino, puis les boutiques, les speeders de luxe et compagnie, avec tous ces gens bien habillés qui partent en courant dans tous les sens, enfin, il y a un truc quelque part quand même derrière ça. Oui, le Cantobite, c'est le truc politique principal. J'allais dire, du coup, 5 fois d'affilée, que c'est pas forcément être vegan, c'est contre la cruauté envers les animaux, tout simplement. Oui, bien sûr. Et aussi, vous dites, ouais, mais il y a le truc politique, c'est pas que pour les enfants. Mais en fait, à une époque, tous les contenus pour les enfants, les dessins animés, les films pour enfants qui sortaient, le seul message qu'ils mettaient dedans, c'était toujours, faut faire attention à la planète et aux animaux. C'était toujours des trucs écologiques et anti-cruauté envers, anti-cruauté. Je fais du franglais maintenant. Anti-cruauté envers les animaux. Du coup, oui, c'est vraiment la séquence enfant. C'est absolument tous les trucs qui s'adressent aux enfants, là. La majorité, c'est, faut pas faire du mal à la planète et aux animaux. Donc ça va bien. En Cacadrien, on voulait surtout parler d'un message social aussi, en plus de... Oui, bien sûr, mais là, si on parlait de la course des Fathiers, il a commencé en disant que c'était le truc vegan, du coup. Non, après, Cantobite a tout un message politique par rapport à la guerre, les gens qui s'enrichissent sur le dos des autres, et sur le malheur des autres, surtout, l'esclavage, tout ça. C'est pour ça que ça fait bizarre à plein de monde. Ils n'ont pas l'habitude. Oh non, ils dénoncent les gros riches, je me sens visé dans ma Cadillac. C'est ça. Et ensuite, est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire là sur les Fathiers et tout, hein? Ouais. Oui, bon. J'aime bien d'ailleurs qu'ils se font sauver par DJ et BB-8 qui est un gros thug. Lui, il fait sa vie. Genre, il est génial dans ce film BB-8. C'est vrai que tu vois qu'il y a un petit point commun avec R2. Quoi. C'est... La différence. Les droïdes, au fond, c'est des thugs. Tu vois, la différence, c'est que BB-8, lui, dès le début, il avait les câbles pour les escaliers, tu vois. Il s'est pas retrouvé coincé à feed sur Naboo comme R2. Ah, mais tu lui fais pas, lui non plus, par contre. Ce qui est drôle, c'est que dans la novélisation, t'as Rose qui, à chaque fois qu'elle voit BB-8 faire quelque chose, elle se dit « Il est vraiment bizarre, ce droïde. Je me demande comment est son propriétaire. » On se demande. du coup, ensuite, il y a une petite scène qui est assez intéressante où Luke sort de sa grotte en pleine nuit pour se reconnecter. Allez, gars. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il est dans une grotte, visage dans les ombres, et il s'avance vers la lumière. Enfin, il est habillé tout en noir. Mais en général, en fait, dans le film, quand Ryan met son ombre sur le visage de quelqu'un, c'est surtout pour faire référence à ce qu'on appelle l'ombre jungienne, qui est par rapport aux écrits de Carl Jung, qui parle beaucoup de l'animal animus. Par exemple, Kylo, c'est l'animus de Rey. C'est son côté, sa part d'ombre. Là, dans cette scène-là, c'est Luke qui sort de la dépression et de la déconnexion, de sa déconnexion à la lumière pour essayer de retrouver son chemin vers la force et ses relations, tous les sentiments qu'il a coupés. La force, c'est la relation, c'est la connexion qu'il a avec Leia. Et du coup, comme tous les mecs du film, il faut que pour progresser, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'ouvre du coup à son anima, son féminin inconscient. Qui est du coup... Sa sœur jumelle, c'est logique. Oui. Voilà, c'est sa moitié. Et du coup, c'est qu'après ça qu'il arrête de stagner et que du coup, il aura la force nécessaire, pas la force, la magie, hein. pour faire ce qu'il doit faire. Et en gros, c'est genre... en fait, il peut, si tu te coupes de ta, la moitié de toi-même, bah tu n'avances pas et tu désespères jusqu'à mourir, quoi. Pour revenir sur l'ombre d'ailleurs, puisque t'as survolé vite fait, l'ombre, the shadow en anglais, ça représente en fait la part d'ombre que tout le monde, tu sais, ce qu'on appelle en français tes bagages, quoi, enfin ce que tu traînes derrière toi, tous les trucs négatifs qui te sont arrivés, que t'as enfouis et qui font ta part d'ombre, toi, toutes tes frustrations, tes colères, tes trucs que t'essayes de cacher ou de refouler, les trucs comme ça. Et du coup, dans le film, à chaque fois que les gens sont confrontés à leur part d'ombre, à tout ce qui est négatif, tout ce qui est rejeté, refoulé en eux-mêmes, ils sont littéralement dans l'ombre avec la façon de Ryan de mettre en scène et de les éclairer. C'est poétique. Non, c'est pas par rapport à ça. J'essaie de me rappeler de quand, à quel moment c'est dans le film. J'essaie de me rappeler à quoi elle ressemble, cette grotte. Parce que, bon, c'est vrai, c'est il y a une semaine de décalage encore. C'est là où il y a le truc, l'espèce de yin et yang avec le premier Jedi, là, et le petit truc de flotte, là où il y a le caillou sur lequel elle s'entraîne. Grotte, là, ok, c'est bon, merci. Voilà. Non, de toute façon, cette histoire d'ombre, moi, je me souviens, c'est un truc dont on avait déjà parlé précédemment. Visiblement, c'était un thème récurrent dans le film. Ouais. Et voilà, il se reconnecte. Il arrive à se connecter avec Leia à travers la galaxie et c'est bon. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il décide, mais bon, on verra que c'est un peu gâché, mais c'est à ce moment-là qu'il décide, ok, bon, bah, je vais vraiment l'entraîner, cette petite-là. J'ai arrêté de faire le con. Et elle, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle se connecte aussi. Oh, là là. Oh oui, elle se connecte. l'origine de nombreux mèmes et de nombreux petits cris. Oh. c'est la séquence Ben Solo. Ah. Il y a pas de jingle pour la séquence Ben Solo. Poum, tut, poum, poum, tut, poum. Moi, j'aimerais bien savoir si la novélisation nous explique pourquoi est-ce qu'il est dans cette tenue-là à ce moment-là. Bah, il est dans sa chambre. Ça se trouve, il se mettait en pyjama. Il allait prendre sa douche. Je sais pas. Il y a la novélisation qui raconte tout sur tout, mais le seul moment dont on avait vraiment besoin de précision, il n'y a rien. Je m'en souviens même plus. On s'en fout d'Akbar qui crève. Montrez-nous pourquoi Ben Solo, il est torse nu. Peut-être qu'il était comme ça depuis le début en se disant « Putain, j'espère qu'elle va m'appeler maintenant. » Ça fait 6 heures qu'il est comme ça. Il y a Hux qui attend debout dans la pièce. Ouais, il y a Hux qui frappe à la porte, qui dit voilà, qui veut lui parler. Il dit non, putain, attends une heure. Non, maintenant. Ça se trouve, il y aurait eu la connexion un peu plus tard. Elle aurait vu son cul, tu sais. Ah, mais je suis habillé. T'as la force qui fait oh merde, maintenant. Et lui, du coup, il se rhabille pas. Hein, mais elle lui demande s'il peut pas mettre un truc, c'est ça qui me fait rire. Oui. Alors que bon. Ok, juste torse nu, tu sais, mais c'est déjà. Pff. Et surtout, bon, elle, à mon avis, elle était pas si gênée que ça. Hein. Bah, à mon avis, c'était la première fois qu'elle voyait un mec à poil. Hein. Mais un mec beau en plus. Ça la découvre. Bah, et puis c'est pour. Ça reste un film, c'est pour la blague aussi. Oui. Oui. C'est pour la blague et puis c'est pour le. Tenez, bah, on vous met un petit peu de sucre. Le fait qu'il soit torse nu, c'est pas pour la blague, mais oui, la réplique, oui. Mais parce que du coup, elle le voit, elle qui arrête pas de lui dire que c'est un monstre, elle le voit comme un vrai être humain et avec ses blessures et les blessures que, en plus, elle lui a infligées. et celle de Finn aussi qui est sur l'épaule. Et celle de Chewie qui est cachée. Non, on la voit un peu, hein, bah, celle oui, du ventre. On voit un petit bout, mais voilà quoi. Et lui-même, en plus, il pense qu'il est un monstre. Mais du coup, c'est intéressant. Il est littéralement à nu à ce moment-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est là qu'il lui raconte ce qui s'est vraiment passé pour lui avec ce Luke maléfique. Et en plus, là, elle voit la grosse blessure. Là, oui. Là. Ça va aller le coup. Elle voit la grosse blessure, oui. Ouf, j'ai chaud. Elle voit la grosse blessure qu'elle lui a infligée Et en plus, le mec, il lui a raconté, hey, mon oncle, il a essayé de me tuer. Et puis après, elle voit qu'elle l'a bien coupé jusqu'aux hanches, tu sais, genre, oups. Elle le voit, elle fait, oh, lui, je vais le blesser, c'est tout à l'heure. J'espère qu'elle n'est pas allergique au gluten. J'espère qu'elle a de la place dans le bêtisier. Du coup, vas-y, qu'est-ce que tu disais, Adrien? Oui, pardon. Oui, je disais que je trouve que la version de Ben, elle est plus proche de la vérité que la version de Luke, en fait. Ouais, bah oui. Mm. C'est-à-dire que celle de Luke, il manquait un gros... Mais c'est ça, ouais. Celle de Luke, c'est un mensonge. Celle de Ben, c'est ce qu'il a vécu, c'est son ressenti. Ouais. C'est peut-être pas forcément ce qu'il a vécu sur le moment, mais c'est ce qui... Ouais. C'est comme ça qu'il s'en souvient maintenant, avec toute la colère, la frustration, la peur, tout ça mélangé. Je veux dire, Luc, on sait. Oh, ok. Mais du coup, d'ailleurs, c'est intéressant qu'il lui dise ça, parce que bah il y a Rey qui est seul sur l'île avec Luc, et Ben, lui, il croyait que, enfin, il était persuadé que Luc allait le tuer dans son sommeil. Il fait, fais gaffe, parce qu'il vient pour toi la prochaine fois. Hein. En plus, il a vraiment fait le coup de, je me penche au-dessus de toi pendant ton sommeil. Oui, un gros creep, tu sais. Mec, il aime bien. Moi, les adolescents, je me mets debout, stoïque, à côté d'eux pendant qu'ils dorment, et puis ils se retournent en se réveillant en sursaut. Ouais, j'adore ça. Et il dit. La fameuse phrase que tout le monde pense que c'est le thème du film et que c'est le message du film, et que c'est pas le cas. De laisser le passé mourir, alors que bah, le film tuer, nous dit clairement qu'il a de le tuer. Tue-le si tu en as besoin. Et s'il le faut. C'est en plus un truc qui est avec le côté la part d'ombre et tout ça, c'est que souvent les personnes vont essayer de tuer cette part d'ombre et rejeter le fait qu'ils sont pas 100% bien, 100% lumineux. Ils vont dire non, je peux pas avoir des défauts, je peux pas avoir ce truc mauvais en moi, et tu peux pas tuer ta part d'ombre parce que ça fait partie de toi, donc tu dois l'embrasser. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que Luc et Ben sont tous les deux d'accord là-dessus, genre sur le fait de détruire le passé, machin truc et tout. C'est tous les deux veulent ça, mais le film nous montre que ils ont tous les deux tort. C'est pas le bon chemin. Mais c'est vraiment étrange que les gens pensent que c'est vraiment le thème du film. J'adore le film. Surtout son message qui est qu'il faut détruire le passé. Genre quoi? Non, surtout qu'après t'as Yoda qui te fait tu es ce sur quoi les nouvelles générations grandissent, et il faut le renseigner tout, y compris les échecs et tout. Donc si tu tues le passé, t'as plus aucun enseignement et tu retombes toujours dans les mêmes erreurs. Et d'ailleurs, ça se trouve, c'est pour ça que Kylo il tue que des vieux. J'aime pas, ça représente le passé, les vieux. Pour moi, c'est quand même aussi un message. Enfin, c'est pas le message du film, mais c'est un des messages. Ouais, je suis d'accord avec toi, Matt. Non, ouais. Pas du tout. Ryan, laisse-les. On a tort, d'accord. Kylo se trompe quand il dit ça. Il se voile la face et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à avancer. Lui, il est bouffé par le passé. Tu peux pas tuer le passé. Tu es en Snoke qui progresse. Mais Snoke, c'est pas le passé, c'est son présent. C'est son présent, c'est vrai. Vas-y, tu parles encore. Pour moi, j'allais dire que c'était une figure d'autorité. En tout cas, moi, même sans dire, sans nécessairement penser au message, de savoir si c'est le message du film ou non, cette réplique-là, je me suis dit, ça, tu vois, c'est le genre de réplique que je mettrais avec toutes les autres, disons, dans le genre réplique forte. Ouais, c'est sûr. En tant que film, je veux dire, comme on aime citer des passages de films. Voilà, Let the past die, kill it if you have to. Je me suis dit, waouh, putain, ça claque. C'est marquant. Ouais. Je le mettrais avec les autres grandes répliques du film, personnellement. Oui, de la saga en général. Ouais, hein, avec de la je saga, suis ton même. Père. Mais en tant que film, après, c'est pas forcément sur le message voilà qu'elle est. Après, même s'il a tort, comme vous dites, ça veut pas forcément dire que ce qu'il dit est 100% faux non plus. Des fois, le passé, il faut aussi. En fait, le problème, c'est que c'est pas. Il le fait pas d'une. Lui et Luke le font pas d'une bonne manière de. Oui, comme tous les Skywalker, en fait. Ouais. Il s'accroche trop au passé. Traiter du passé. C'est... Ils sont toujours tout ou rien. Oui, voilà, moi, c'était surtout le problème de tact, en fait, que je parlais des Skywalker. Oui, mais ils ont aussi ce problème de jamais être ancrés dans le présent, parce que c'est ce que dit Yoda, t'as toujours les yeux vers l'horizon, Luke, et Luke, quand on le voit là dans The Last Jedi, il est bouffé par le passé. Avant, il était bouffé par l'avenir qu'il voulait avoir et qu'il n'arrivait pas à avoir. Et puis après, il est devenu bouffé par le passé qu'il aurait aimé modifier. Mais il n'était pas dans le présent et dans ce qu'il pouvait faire pour rattraper. Du coup, c'est ce que je disais justement. Quand on voit quand même, ne serait-ce que Luke ou Kylo Ren, le passé, il n'a pas été tendre avec eux, quoi. Surtout pour Kylo Ren, je pense, parce que clairement, enfin, il n'a pas un passé glorieux, quoi, que ce soit son enfance. Son adolescence avec Snoke, ou même sa vie adulte, quoi. Clairement, il a une vie de merde, quoi. Oui, oui, Luke, le seul truc qui va pas dans son passé, c'est qu'il a essayé de buter son neveu. Ouais, ouais, il y avait aussi son père qui était un psychopathe, hein, mais... Oui, mais il a sauvé son père, entre guillemets, et puis, il était en paix avec ça quand son père... Il a fait l'amour avec sa sœur plusieurs fois, c'est canon. Non, non. Non. Non, c'est pas vrai. Tu mens. Cherche dans tes sentiments, tu sais que c'est vrai. Non. Est-ce que tu avais d'autres trucs du coup à dire? Est-ce que vous aviez d'autres trucs à dire sur cette petite scène? Nope. Bah, j'ai été interrompu par ce gros con de chat. Juliette, c'est que en tuant Snow, qui tue pas le passé, oui, effectivement, ils sont présents, mais tu es une figure d'autorité du passé. Tu es un ancien, un boomer, si on veut. Oui, c'est vrai. Oui, bah, il tue un vieux mec, encore une fois. Et le film, dans son déroulé, pareil, il met fin à des figures du passé. Ouais. C'est plus peut-être dans ce sens-là. On fait sans oublier les acquis et les expériences du passé. On fait table rase, on crée nos propres expériences. Enfin, oui, il y a quand même un message à ce niveau-là, je trouve, qui est là. Alors, effectivement, quand il dit ça, Kylo peut se tromper. Ben ou Kylo, je ne sais pas, mais il peut se tromper, effectivement. Mais ça reste que c'est un des messages du film, mais pas forcément le message principal. Le message n'est pas de tuer le passé, parce qu'il y a quand même Yoda qui explique que tu as besoin du passé pour pouvoir... pour les générations futures, elles en ont besoin. Sinon, elles refont les mêmes erreurs. Mais lui-même, Yoda, il dit à Luke d'oublier, en cramant l'arbre, il lui fait aussi comprendre, même si... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que justement, Yoda, tu sais, il sait tout. Il sait que les livres sont pas dans l'arbre. Oui. Mais il fait ça aussi parce que c'est cathartique pour Luke. Il fait ça pour lui alléger son... Et c'est libérateur pour Luke. Voilà, mais ils n'ont pas réellement détruit le passé. Oui, le message, c'est de détruire le passé. Bah, le message, c'est pas de tuer le passé. Le message, c'est de pas rester accroché au passé et rien que ça. Sinon, tu peux pas avancer. On n'est quand même pas loin. Dans l'idée, on n'est pas trop loin. Mais... C'est juste la méthode qui n'est pas la bonne. Et c'est pour ça que Kylo échoue. Pour ça que Rey, elle ne le rejoint pas. Et non, mec, t'es pas prêt à aller de l'avant, donc... Get your shit together. parce que techniquement, Kylo, alors je m'éloigne un peu plus loin, mais effectivement, Kylo, il se débarrasse de Snoke et de sa garde pour finalement vouloir faire la même chose, mais en plus avec lui, quoi. Donc c'est effectivement il s'y prend mal. Voilà. Mais le led de passe d'ail est pas totalement faux, même si c'est clairement pas le message principal, quoi. Oui. C'est juste, faut pas le prendre littéralement et se mettre à buter tout le monde. Ça aussi, c'est qu'en fait, Kylo Ren, le passé ne le règle pas bien, quoi. Il bute tout le monde, il bute tous les vieux qu'il voit. Il est pas... Non, mais c'est vrai. Il fait pas la paix avec. Hein, je sais pas, peut-être. Ouais. oui, il fait pas la paix avec, en fait. Ouais, c'est ça, il fait pas la paix avec et c'est ça le problème. Même Luke, il essaie de le tuer en essayant de tuer le passé encore une fois, mais Luke, il lui dit, en fait, t'arriveras à rien parce que tu vas. C'est à la fin, mais. Je vais te hanter comme ton père te hante, quoi. Donc c'est pas la bonne manière de buter les vieux. Ah ouais. Les vieux, c'est chiant. Hein. Quand t'en coupes un, il y en a deux qui reviennent. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a la scène de la cave. pas celle dans laquelle était... pas la grotte de Luke. Hein, la cave dans laquelle Rey tombe à travers un anus géant dans le sol. Tu y vas. Oh, putain, ouais. Je me demandais si j'allais la faire ou pas. Bon, tu l'as fait, maintenant ça m'enlève un peu. C'est un vagin parce qu'elle tombe dans le liquide amniotique. Oui, c'est vrai. C'est un vagin. Il y a que des vagins dans ce film. L'arbre, c'est un vagin. Voilà, c'est tout. Tu vas encore mettre Durandal en PLS, arrête. Mais alors, c'est très rigolo parce que j'allais parler de Durandal justement parce que il y a un truc avec la scène de la cave qui m'avait tué. Et... Non, mais tu vas te faire du mal. Non, mais il en parlait et il disait c'est trop débile parce que elle est en train de raconter son expérience. Alors du coup, on sait qu'elle va survivre, mais du coup, il n'y a aucun twist. Mais connard, c'est quoi le twist de la scène, à ton avis? Mais tu te fais du mal. Il est comme ses pieds, lui. Mais, du coup, voilà, je pensais à ça. Et c'est rigolo, justement, toute sa narration, en fait, c'est juste elle qui raconte son truc à Ben. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, il attend qu'elle ait fini avant de lui parler. Mm-hmm. Ah oui, il l'écoute. Ça, c'est le seul mec qui écoute les femmes dans ce film. C'est vraiment moi qui vous coupe tout le temps. Ouais. Oui, j'allais dire, du coup, si tu regardes, c'est rigolo, non. Mais parce que Rey, elle va dans une sorte de ventre stérile. Si tu regardes l'entrée comme le vagin, le truc comme l'utérus, hein, là où il y a la flotte, dedans il y a carrément un squelette. Donc le truc est stérile, le truc est froid. Et elle y va pour chercher qui sont ses parents. Et elle n'obtient pas la réponse qu'elle veut. Et c'est du coup, c'est rigolo qu'elle tombe dans un utérus stérile qui lui révèle pas ce qu'elle veut. Voilà, je sais pas. Contrairement à la vraie vie, où si tu mets ta tête dans un utérus, tu obtiens les réponses que tu voulais. À votre avis, pourquoi vous détestez autant les femmes? Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai vu cette scène, ça doit être une déformation à cause de Ray Person, mais je me suis dit, mais je veux dire, ils ont. La première chose que j'ai pensé, c'est miroir de Rized quand j'ai vu cette scène-là, quand même. C'est rigolo, t'as pas lu le scénario de la saison 2, mais c'est littéralement ce que j'ai fait. Ah ben voilà, non, mais c'est assez ouf de voir à quel point les deux sont proches. Donc finalement, Harry Potter, Star Wars, il était déjà dans le film. Ouais, mais c'était assez ouf de le revoir, de voir à quel point les deux sont similaires. Ouais. T'imagines, t'as Rey, elle regarde le miroir et t'as Dumbledore qui apparaît derrière elle, et là t'as toute l'audience qui est what? Qu'est-ce qui se passe? Mashup! Voilà, les gens, si vous n'avez pas compris de quoi on parle, vous cherchez Rey Person à l'école des Jedi, hein, et vous comprendrez. Merci pour la pub. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez comment ils ont fait l'effet où il y a plein de Rey? Parce que c'est assez intéressant. Ah bah. Je pense que c'était une bonne vieille CGI. Et non, en fait, ils ont filmé Daisy avec plusieurs caméras, en fait, plus ou moins éloignées d'elle. Et du coup, ben voilà, ils ont fait ça. Et puis après, ils ont fait une boucle. Mais déjà, sur le tournage, ils avaient une idée de comment ça rendait. Ah. Ben non, moi, je pensais qu'ils avaient cloné Daisy Ridley plein de fois, puis ils s'étaient débarrassés des clones à la fin du film. Bah oui, c'est comme ça qu'ils ont répété. C'est un peu sombre quand même, juste... Voilà. Ah, d'accord, ça a du sens. Ok. D'ailleurs, c'est rigolo parce que du coup, ça, après sa sortie de la caverne, là, et ben, pendant que Luke et Leia sont en train de se connecter, ben, les Rey et Ben aussi, c'est mignon. C'est à chaque fois entre frères et sœurs. Oh non, tu sors. Arrête. Non mais c'est rigolo parce que voilà, ils sont la connexion entre Rey et Ben est encore plus puissante que celle entre Luke et Leia. C'est assez ils ont un meilleur wifi, ils ont la fibre. Ouais. Encore, on pourrait croire sur une île paumée comme ça, il y a pas beaucoup de réseau, mais visiblement ouais. Ça marche bien. Non, c'est ouf. Hein. Bah, c'est la technologie. Hein. C'est la 4G, monsieur. La 5G. Est-ce que c'est pas le fait aussi que ça soit une île avec le temple de la force, etc. Enfin, un lieu propice à ça aussi. Ah, t'as une antenne Wi-Fi. Pas faux. En plein milieu. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça doit aider. Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est sûrement un truc qui sera un peu exploré dans les bouquins ou les BD et tout, mais l'île n'est pas bien, bien grande. Je me demande à quoi il devait ressembler le temple à l'époque. Bah, c'était une grotte. Il y avait 4 mecs. C'est austère. Ah bah, le monostère. C'est pas le pape catholique, là, c'est des vrais reclus. Mais bon, moment connexion. Oui. Mais bah, c'est une du cul, même limite. Hein. Bah, oui, c'est une qui se rapproche plus de cul qu'on aura vu dans Star Wars. C'est ce qu'avait dit Ryan, je crois. Ouais. Oui. Oh, et Leia et Anakin qui roulent dans l'herbe, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors Leia et Anakin, c'était pas de Oh non, c'est dégueulasse. Vraiment, il se passe quelque chose de malsain sur ce podcast. Je vais arrêter de parler. Et d'ailleurs, voilà, comme je disais, il y a Belle qui était là, qui a écouté toute son histoire sans l'interrompre. Puis là, en l'observant juste, et à la fin, il dit « Mais t'es pas toute seule ?» Et toi non plus. Puis là, il retire son gant de manière sensuelle. Non, c'est elle qui lui tend la main. Là-bas. Mais vas-y, j'ai fait la moitié du chemin. Elle l'a vu torse nu avant aussi. Bah oui, grave. Ouais. Elle avait déjà la main prête. Elle s'est limitée. Elle fait ouais, je vais mettre qu'à mi-chemin ma main. Comme ça fait pas trop la meuf affamée, tu vois. Ouais, et du coup. Pardon. Non, je me demande, tu penses qu'elle a discuté avec Chewie pour lui demander avant hey, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est trop Comment on fait pour draguer un gars? Et t'as Chewie, il fait attends, mais on n'était pas genre trop fâchés contre lui, il a tué Anne. Non, on s'en fout de Anne. Ok, d'accord. Chewie, le conseiller matrimonial, tu sais, qui va donner des conseils au couple. Tu sais, comment on fait pour draguer quelqu'un, Chewie? Moi, j'ai pris directement ma douche avec, on était plein de boue. On utilise le même shampoing. Donc il faut se mouiller beaucoup. Je vais plonger dans une grotte dans l'eau. C'est intéressant aussi par rapport à un truc qu'on disait avant, c'est que au début dans leurs interactions, c'était toujours lui qui se rapprochait d'elle, mais elle bougeait pas. Mmh. Et cette fois-ci, c'est elle qui fait le premier pas et qui attend que lui la rejoigne à mi-chemin. Voilà. C'est beau. Hein. Ouais. En plus, ils sont près du feu. C'est l'évolution. Ça représente la vie, la chaleur, la flamme de l'amour, le feu entre eux. Et t'as Luke Cockblocker qui arrive. Cockblocker, c'est le meilleur. Il arrive et il dit hey, je dis une bible de distance entre vous deux. Ouais, il faut de la place pour Jésus entre vos mains. Voilà. La place pour la force. Pour Mace Windu. Oh, c'est la même chose. Mais c'est trop drôle parce que c'est... Tu sais, c'est le premier moment du film où il a l'air content, il est en train de chercher Rey, ça y est, il a décidé qu'il allait l'aider, et il arrive, oh putain de merde. Non, c'est complètement ça, ouais, c'est vrai que ça c'est... il avait enfin retrouvé voilà, un destin, un but et tout, et non. Et il pète la hutte totalement en effet pratique. Eh oui, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, c'est que du pratique, la hutte qui pète. Vache, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est trop. Ce qu'on veut dire par effet pratique, c'est pas en image de synthèse. Voilà, il y avait des câbles, un petit câble accroché à chaque pierre, et ils ont vraiment tiré les pierres pour faire exploser le truc. Ouais. Vraiment, la pression, de dire, ouais, faut pas se louper, quoi. Et oui. du coup, pour le plan, t'as Kylo et Rey qui se touchent la main, ça passe sur Luke qui explose la hutte, et pendant ce temps, t'as Adam Driver qui s'enfuit de la scène pour... que quand la caméra elle retourne, il n'y a Rey que toute seule. Ah ouais, putain, la pression, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, en plus, il est parti, genre... Tu sais, ça se trouve, il s'est juste jeté par terre. Par-dessus, ravin, tu sais. Oh, on a peur du Adam. Il est tombé comme ça, là. Ah, mes muscles. Heureusement que je suis ici. Mes énormes muscles. Il est tombé, il y a ses vêtements qui se sont déchirés. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh la vache! C'est sacrée famille, hein, quand même. D'ailleurs, Rey, soi-disant, botter le cul de Luke. Bah, un petit peu, quand même, oui. Bah, il est vieux, non? Je sais pas. Mais genre, trop pas. Il est tellement pas en difficulté que le seul moment où il la tape, il lui fout un petit coup dans le cul avec. Dans le dos, ouais. Il a aucune difficulté. Il se bat à une main en plus, elle est avec les deux. C'est juste parce qu'il trébuche. C'est juste parce qu'il trébuche que du coup elle a le higher ground. Bah parce que elle prend le sabre laser, mais voilà, sinon lui il a aucune difficulté. Et elle le touche pas une seule fois. Avant qu'elle prenne le sabre laser, elle s'en prend plein la gueule. Ouais, il a une main dans le dos. Le mec il show off, tu vois. C'est les Skywalker qui se sentent plus pétés à chaque fois que faut faire le Jedi. Bah oui, et du coup quand elle a le sabre laser et que du coup il se rend compte lui que sa petite antenne ça va pas trop lui servir là, il perd ses moyens. Non mais regarde comment il se rattrape. Mais oui, trop classe. Pour être honnête, ouais, j'ai pas bien fait. Je me suis concentré sur ce qui se passe à l'issue du truc, mais j'ai pas de souvenir exact de ce qui se passe, de comment la séquence se passe. Bah elle se fait taper. Elle arrive pas à le toucher, mais lui il la touche bien. Mais pas dans un sens dégueulasse, genre. Bon, ça va, ils sont pas de la même famille. Oh. Pas encore. Mais stop. On est mort. Alors moi, personnellement, pour moi, c'était le premier moment vraiment puissant du film, là où je me suis vraiment où j'ai vraiment eu cet effet waouh du film. Là, pas pour le côté baston, parce que elle est relativement courte et il n'y a pas non plus des effets incroyables, mais c'est tout ce qui est sous-entendu au moment ce qui amène à la baston et tout ce qui est sous-entendu au moment où ils se battent. C'est justement la frustration sexuelle de l'adolescente, mais pas uniquement. Putain, papy, tu fais chier. oui mais c'est justement Ray qui se rend compte que Luke lui a pas forcément dit exactement comment ça s'est passé. C'est juste après qu'elle ait commencé à réaliser justement ce qu'elle ressent par rapport à Kylo. Donc moi, c'était le premier moment waouh du film. C'était ce moment-là, c'était ce duel-là. Je sais pas pour vous. Non, moi, tout le film m'a fait faire waouh. J'ai pas de moment, je saurais pas quand la première fois j'ai fait waouh. Non, et puis voilà, c'est aussi, je sais pas moi, la pluie, la lumière, tout ça, comme c'est filmé. Non, ça m'a bien scotché. Mais ils étaient vraiment trempés. En plus, il était très très tard dans la nuit. Je crois que ça commençait déjà à être le matin et ils flippaient que l'aube se lève, parce qu'ils devaient finir le tournage avant que le soleil arrive. Et la pluie a aidé, parce que du coup, ça cachait un peu le ciel, Mais la pluie était vraie. Il y avait à moitié de la vraie, à moitié de la fausse. Bah ouais, ils étaient trempés, hein. Et en plus, Ray, Daisy, elle était vraiment habillée, léger, les bras oui, à moitié nus, tu vois. Elle était frigorifiée. Et, à la Jacouyenne. La Jacouyenne, la fripouyenne. Mais du coup, on a entendu une nuit pluvieuse exprès, du coup. C'est en Irlande, il pleut tout le temps. Oui. La couillenne, la fripouillenne, putain de merde. Il est mort. Mais c'est vous qui déformez mes propos. J'ai essayé de les ignorer, perso, hein, mais. C'est parce qu'on est des fripouillennes. Je suis pas tout seul. Ok. Et puis à ce moment-là, on a la dernière version de la. De l'affrontement là de ce qui s'est passé au moment où Luke a voulu régler son compte à Kylo. Ce qu'ils avaient tourné et qu'ils ont pas gardé, c'est que quand elle lui demande est-ce que t'as vraiment essayé de buter Kylo Ren, le mec il répond même pas, mais il lui fait genre ouais, t'es prête à passer du côté obscur juste pour une paire de jolis yeux. J'adore cette réplique. Moi j'aurais pas hésité à sa place en perso. Moi j'aurais détruit tout l'univers. On en a parlé hein, de ça dans l'épisode sur Kylo, mais genre Ben il est comme ça, il résiste contre Snoke sans vraie défense depuis des années et des années, ouais, depuis comme j'ai marqué près d'un quart de siècle hein. Il vit comme un Jedi, il fait sa calligraphie, il étudie les textes Jedi comme un bon garçon, il s'habille en blanc, il a fait un magnifique sabre laser bleu, et puis d'un seul coup en pleine nuit merci, super, ça valait le coup, merci. Ouais, ouais. Genre, ah, bah, la bonne vie, quoi. Et puis là, surtout, là, c'est vraiment là où enfin, c'est ce moment-là où on a cette séquence qui est un peu la synthèse des deux. Mm-hmm. C'est ça, vraiment, le truc important, c'est que d'un côté, on a Luke qui a vraiment l'espace d'un instant envie de buter son gamin, son neveu, et qui se rend compte de ce qui. Mais attends, t'es en train de voir comment tu te rends compte de ce que tu penses, et là il se rend compte qu'il a vraiment je trouve plus le mot en français, bordel, fail someone, perdre quelqu'un. Surtout c'est lui qui a fait l'erreur, c'est lui qui a pas joué son rôle de maître, et puis Kylo qui vraiment effectivement voit son oncle menaçant et qui se dit mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là. Donc finalement c'était celle-là qui était la plus proche de la réalité, mais finalement Luke il se mentait à lui-même, il voulait pas accepter que c'était lui qui avait créé Kylo. Oui il voulait pas l'avouer parce qu'il l'avait dit à personne, du coup il se voyait mal lui le dire. Voilà, il se disait non, c'est lui qui a rien compris, voilà, tous ces jeunes ils savent pas communiquer. Non, c'est aussi parce que. Je pense qu'il était surtout honteux. Voilà, c'est sa part d'ombre et il la rejetait. Et là, quand il lui avoue enfin ce qui s'est vraiment passé, il accepte enfin. Et du coup, comme c'est dur à accepter, c'est pour ça qu'après il se dit ouais, bah, je vais cramer l'arbre et tout. Non, non, il est vénère après parce qu'il a enfin admis sa culpabilité. Et c'est comme ça qu'après il atteint la paix, parce qu'il a fait la paix avec lui-même. Ah, c'est sympa ce qu'il filme. C'est ça qui est génial avec Ray, c'est qu'en plus elle s'énerve jamais quand les gens lui avouent leur part d'ombre. Genre t'as Finn qui lui dit bah en fait non, je suis un Stormtrooper, je me suis enfui. Ok, mais tu veux bien rester avec moi? T'as Luke qui lui fait ouais bon bah j'ai vraiment essayé de le buter mais enfin voilà, c'était juste une impulsion et je l'ai pas fait. Puis elle fait bah ok, tu veux quand même essayer de sauver la galaxie alors? C'est vraiment tellement gentil. Mais là, pour revenir, parce que j'en ai parlé vite fait quand on parlait de TJ, là encore, je trouve que ça se rapproche un petit peu de ce que, même si c'est maladroit, de ce qu'essaye de dire Obi-Wan à Luke dans la trilogie originale. C'est qu'on a on a une même situation qui va être lue d'une manière différente par différents personnages. Et finalement, c'est normal parce qu'on est, je veux dire, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait dans toutes les situations. Et comment est-ce que je peux dire ça? Il faut parfois c'est parce qu'on se ment à nous-mêmes, parfois c'est parce que justement on a honte de ce qu'on a vraiment fait. Mais il faut savoir, ça illustre bien justement qu'il faut savoir accepter qu'on n'a pas forcément le point de vue parfait sur le point de vue, la vérité sur une situation. Il y a toujours une autre manière de le voir, même si je suis d'accord que c'était maladroit dans la trilogie originale. À mon avis, c'est ce qu'il essayait de dire à Luke, et je trouve que cette scène l'illustre vachement bien. C'est trois différentes scènes avec trois différents points de vue. Oui, oui. C'est toujours, j'avais trouvé ça sympa parce que moi, c'est toujours un truc que j'avais trouvé intéressant chez Obi-Wan. Rey laisse encore une chance à Obi-Wan du coup, à Luke. En lui disant, elle lui dit, non, c'est vrai que d'abord elle lui dit, ouais, mais du coup, Kylo Ren, moi j'ai vu là, Il est bon. Il y a moyen. et du coup, elle lui dit, ouais, il y a encore de l'espoir en fait. Elle lui rappelle ce qu'il a fait avec Vador et qu'il a pas fait avec son propre neveu. Et elle dit ça juste pour pécho. et du coup, elle arrive à la conclusion que lui il avait avec Vador, etc. Et du coup lui il lui fait ouais non mais ça va pas se passer comme tu crois parce que moi quand j'ai fait ça la première fois j'ai perdu une main. Et du coup elle fait bah vas-y alors prends le sabre laser et prends sa place. Et puis le mec il la regarde en mode non. Et puis bah tant pis, donc c'est Ben, hein. C'était Ben ou toi, tant pis pour toi. Donc ce que j'avais noté, c'est que c'était important justement que Rey et Ben dans le film, ils rejettent leur mentor, comme Luke dans l'Empire Contre-Attaque rejette Yoda, et comme Anakin ignore Obi-Wan dans l'Attaque des Clones, parce que le deuxième film, à chaque fois, c'est le film, le teen movie, c'est le film où il passe de l'âge enfant du premier film, à la mentalité d'enfant du premier film à la mentalité d'adulte du troisième film. C'est la rébellion des ados. Et en plus, là, il y a tout l'aspect éveil à la sexualité aussi qui se fait très souvent pendant l'adolescence. Donc ça, c'est vraiment le film des ados qui découvrent ce qu'ils vont devenir en tant qu'adultes. Tu le passais aussi, de ce point de vue-là. Oui, aussi. T'es toujours accroché à ça. Hein. Non, mais il y a le rejet du mentor, il y a la fin de l'enfance, si on peut dire aussi ça comme ça. Enfin, il y a tout ça, quoi. La fin de l'adolescence, il y a... Oui, en fait, je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je pense que ce que je voulais dire, c'est les gens qui utilisent le film pour dire que ça, c'est le message, mais genre de Disney... Enfin, par exemple, il y en a qui disent que c'est le message de Rian Johnson envers le... Envers Lucas, envers tout ça. Envers Lucas et tout, et tout. Non, oui, pardon, c'était... Je pense que je me suis mal exprimé par rapport à ça tout à l'heure. En tous les cas, il ne fallait pas le prendre trop littéralement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. With a grain of salt. Mais oui, ce film, c'est clairement l'adolescence des personnages principaux. C'est le moment où ils vont... où ils comprennent qu'ils peuvent plus avoir l'insouciance qu'ils avaient en tant qu'enfants, où ils vont être devant des choix, et ces choix vont déterminer qui ils deviendront en tant qu'adultes. Finn rejette Phasma aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Ils rejettent tous leur figure formé, d'autorité. Voilà. Ils rejettent tous leurs parents. Il a vraiment bien fait ses devoirs, Ryan. Hein. Et même Poe, quelque part, rejette lui son autorité, en tout cas, de son côté. Ouais. Mais lui, en plus, c'est sa tata adoptive, quoi. C'est chaud, quoi. Et il n'y a que Rose qui est bien de tout début à la fin. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'orpheline. Okay. En même temps, elle perd sa sœur au début, donc quelque part, elle entre dans l'âge adulte très vite, en fait, à ce moment-là. Ouais. Putain, c'est beau. Ouais, elle, ouais, elle a pas le... Oui, j'essaye depuis tout à l'heure, hein, désolé. On dit des choses profondes, là, désolé. Je suis désolé, j'avais noté... Non, mais j'ai bien vu, t'as tenté le coup. La scène de Yoda est tellement parfaite qu'il n'y a rien à ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est moi, littéralement ma note sur le truc. Moi, je me suis interrogé sur le sens de ramener Yoda, en fait. Je sais que c'est quand même l'image de la sagesse et tout, chez les Jedi, le mec qui a quand même fait des erreurs quelque part, mais je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment intéressant? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Bah, t'as ouais. Vu la vidéo, toi? On a toujours besoin de Yoda. Au début, c'était assez incongru, j'avoue, quand je l'ai vu, mais finalement, ça fait sens, je trouve, hein, ça marche bien. Ouais. j'aime bien ce personnage, hein, y a pas de souci. Mais à ce moment-là, je me suis demandé s'il y aurait pas eu un moyen de raconter cette évolution sans ce personnage. Moi, je trouve intéressant qu'il soit là. Pardon. Parce qu'il arrive au moment où Luke a enfin accepté sa part d'ombre, et du coup, t'as un petit être tout lumineux qui arrive. C'est son petit ange gardien, tu sais, qui arrive et qui lui dit « Ouais, c'est ok ce qui t'arrive, c'est normal, maintenant tu vas pouvoir faire la paix, tu vas pouvoir devenir un vrai maître et passer la main aux autres. » Et je trouve ça cool qu'il le ramène, parce que du coup, c'est dans le deuxième film de la trilogie originale que Yoda meurt près de Luke, et là, Yoda revient près de Luke. C'est mignon. Moi, ça m'a un peu fait l'effet caméo. Je me suis demandé si Luke aurait été déjà dans cet état d'esprit-là, s'il aurait. Voilà, c'était ce que je me suis pensé. Après, ça m'a pas gâché le film. Hein. C'est un peu des seuls mecs que Luke aurait écouté aussi. Hein. Pour le coup, c'est un. Si, ouais. Ça fait un peu caméo, mais en même temps, ils essaient de ramener un peu tous les personnages pour conclure la saga. Plus qu'un caméo, il a une bonne scène quand même. Mais voilà, ouais, c'est pas le mec qu'on voit au fond de la cantina, quoi. C'est pas le mec dans Rogue One avec son gros pif. Non, mais elle est bien faite, la scène. Et les messages sont importants. Et en plus, ça rajoute encore un peu de légèreté. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça beau, leur réunion. Toi, tu l'as trouvé bien. Je l'ai trouvé un peu fatigué, moi, aussi. Il était en effet. Est-ce qu'ils l'ont fait en effet pratique ou en... Oui, pratique. Non. Ce qui est très intéressant, justement, c'est que moi aussi, même maintenant, j'ai toujours un petit truc, je veux dire, il est bien fait, hein, mais il y a un truc qui va pas. Et pourtant, ils ont réutilisé le moule d'origine pour le faire là. Et donc, ouais, non, je pense que tu peux pas faire plus fidèle. C'est toujours mieux que le Yoda de l'épisode 1. La marionnette qui est vraiment pour le coup ressemblait pas du tout. Non. En plus, il ressemble du coup vachement. C'est parce qu'on est beaucoup habitué à voir le Yoda CGI aussi de la prélo. Mais quand tu regardes les deux de Yoda, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu plus vieux, un petit peu plus petit. C'est le vieux avec la bonhomie et tout. Et ça lui donne un petit côté mignon sur le moment aussi. Je me suis dit, y a un truc. Et en fait, quand tu les regardes côte à côte, non, ils sont bien. Il a un côté encore plus gentil et petit papy. Ils sont même allés chercher la femme qui avait peint les yeux originaux de Yoda, de la vraie marionnette. Ils sont allés la rechercher et ils l'ont fait sortir de son truc en lui disant, vous pouvez bien refaire les yeux de Yoda exactement pareil, s'il vous plaît. Oh, elle est ouf. Parce qu'il n'avait plus la même marionnette originale? Non. Ou on n'y touche pas Mais tu disais que c'était quand même le même moule. Ils ont retrouvé le même moule, ils ont refait ce qu'il fallait, et hop, ils ont calqué sur le moule, ils ont repris toutes les données qu'ils avaient sur comment avait été fait le Yoda de base. Comme je t'ai dit, ils ont repris la maquilleuse qui avait fait... Enfin, la peintre qui avait fait les yeux, etc. J'aime beaucoup Yoda dans ce film, parce qu'en fait, il a, comme disait Matt, il a un peu... C'est le seul que Luke aurait écouté, en fait, parce que c'est clairement une figure d'autorité, c'est son mentor. Et du coup, le fait que Yoda arrive et dise à Luke, en fait, ben, rends-toi compte de ce qui s'est passé avant, c'était pas ouf. Maintenant, ben, move on, et ben, de toute façon, Rey, elle est escalée, et elle a pas besoin de toi, quoi, en fait, Boomer. Genre, vraiment. Rey, elle t'a piqué tes bouquins, tu t'en es même pas rendu compte. Non mais vraiment, c'est ça. Et en fait, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ça j'en ai parlé dans une vidéo YouTube, mais justement, je trouve qu'en fait, il y a tout un discours sur l'ancien univers étendu, en fait, dans cette séquence. Où justement, en fait, Yoda, avec le prisme des Sacred Jedi Texts, eh ben, parle en fait de l'univers canon Legends, en fait, en disant que c'est plus là, mais en même temps, c'est pas grave, parce que t'as eu les souvenirs, c'est là quand même, et puis maintenant, faut aller de l'avant. Page turners, they weren't. et d'ailleurs, la figure d'autorité, ça marche aussi bien pour Luke que pour certains fans. Ouais. Absolument. De toute façon, Luke, dans cette séquence, il est clairement, c'est clairement le fan, quoi. Et c'est encore une fois, on peut faire un parallèle entre Luke et George Lucas, mais là, c'est vraiment le fan, quoi. Je pense. Ah, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Et sinon, oui, le Yoda, oui, c'est clairement le Yoda, en fait, fatigué du retour du Jedi, mais apaisé. Et moi, je trouve qu'il rend, il a l'air sympa. Ouais, il a l'air gentil. Bien, hein. Il est vraiment bien, en fait, maintenant. Ouais. Est-ce que c'est encore Frank Oz qui fait la voix, ouais? Oui, oui, c'est lui qui était pareil en dessous, à bouger la marionnette, à faire la voix et tout. Tu sais, il y a tous les fans qui sont là en train de péter un câble là contre Rian Johnson, et lui, et Frank Oz, il était tellement content qu'il a fait l'autre film, le film suivant de Rian Johnson avec lui. Il lui fait ok, je serai dans ton prochain film, ok, je t'aime maintenant, t'es mon enfant. Et ce qui est quand même génial, c'est que toi, tout le monde, pas tout le monde, non, tous les fans qui ragent, voilà, oui, font caca sur Rian, alors que le mec a pris un soin extrême pour refaire Yoda. Il aurait pu s'en battre la race, il aurait pu faire n'importe quoi. Il s'est appliqué, il s'est vraiment appliqué à respecter le personnage. Enfin, c'est le Yoda le mieux refait depuis la trilogie originale. Et on vient encore dire qu'il manque de respect à la saga. Machin, c'est quand même assez ouf. Il faudrait, si vous ne l'avez pas vu, il faut regarder le réalisateur et le Jedi, c'est ça le ouais. jeu. Parce que dedans, il y a tous ces trucs-là. Et il y a quand Mark Hamill... ils lui ont présenté Yoda et ils savaient pas qu'il y aurait un nouveau Yoda, ils l'ont, ou alors pas sous cette forme-là, et ils l'ont emmené devant la marionnette, et il y avait Frank Oz qui était en train de répéter, et du coup Marc, là, ça devait être la chiale. Ah bah oui, Marc Hamill, il a vu Frank Oz, il a vu le vrai Yoda, parce qu'il pensait qu'il serait face à un truc en CGI encore, et là il a vu le vrai Yoda et il a dit ça ressemblait comme à l'original et tout, et il en croyait pas ses yeux, il était ultra ému. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est un des seuls moments où il râle pas d'ailleurs. Ah bah ouais. Il a dit que ça lui faisait plaisir qu'ils aient fait ça, que ça c'était un bel hommage, et vraiment il était ému, il était heureux de voir Frank Oz, il était heureux de voir le vrai Yoda, de pouvoir parler à la marionnette, parce qu'il disait que Frank Oz disait que le fait qu'il y ait la marionnette, ça aidait la façon dont les acteurs réagissent à la marionnette, la rendait encore plus vivante, et du coup ils étaient contents de pouvoir retravailler ensemble. Il aurait dû dire ça à Lucas quelques années. moi qui avais dit qu'il n'y avait rien à rajouter, 20 minutes plus tard on est encore dessus. C'est la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est rigolo parce que il y a Finn et Rey qui Finn qui voulait retrouver Rey au début pendant super longtemps, et ben ils se retrouvent au même endroit sur le suprématie, chacun en train de faire sa mission, Rey en train de... Tu rushes un petit peu quand même, Coco. Ben non, pas du tout. Non, on a une petite scène, je crois, où... Ah si, il y a Po qui fait le... Non, mais DJ, non, DJ et Finn ont une petite discussion à propos du propriétaire du vaisseau qui vend des armes au premier ordre, et pas que, aussi à la résistance, comme quoi, hein, tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Il y a tout ça. Mm-hmm. Oui, non, effectivement, ouais, je suis... maintenant que t'en parles. Est-ce que vous avez des trucs à dire dessus, justement? C'est une scène importante dans la construction de Finn, toujours. On me semble en avoir parlé un petit peu précédemment, déjà. Donc, je pense qu'on peut peut-être accélérer. Qu'est-ce que tu fais là? J'aime bien parce que les hologrammes, ils sont vachement bien faits, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont mis comme ça et tu les oublies tellement ils sont... Hein. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça avec les effets de ce film-là en particulier. Hein. J'ai Rogue One, je dirais. En passant justement très vite là-dessus, tout ce qui est infographie, interface, et hologramme, enfin tout l'aspect digital, mais comment dire, dans l'univers, est magnifique, quoi. C'est vraiment superbe. Ça fait toujours écho au passé et en même temps, c'est très beau. Il est très très beau le film. Moi, j'oublie toujours qu'ils ne sont pas vraiment en train de piloter des vaisseaux. D'ailleurs, c'est rigolo. Ça me fait penser à un petit truc encore. Quand DJ, il hack le truc pour qu'il puisse s'infiltrer dans le Suprématie, on voit un opérateur du Premier Ordre qui voit qui voit son écran qui commence à bouger et il tapote dessus. Et c'est ouais. Trop drôle parce qu'il y avait quelqu'un qui disait... c'est un des, je sais plus qui bossait sur le film, qui disait mais c'est trop bien parce que c'est vraiment un truc que Ryan il a mis là-dedans et ça fait un vraiment ça fait très Star Wars, genre ça devrait, c'est oui. Des trucs que tu fais dans la vraie vie et du coup ça devrait pas marcher dans l'espace sur des trucs comme ça, mais ça, tu vois ça c'est un truc d'opérateur radar, enfin de vivre avec du vieux matos qui déconne, et là on est sur le Suprématie, il est complètement high tech le machin, mais on a encore ce côté un petit peu analogique qui déconne, enfin mais oui. C'est génial. C'est très rigolo comme petit détail. Avec le moi, il m'a fait trop marrer la façon dont il joue la scène DJ qui fait bli bli bli bli, et que tu vois que ses doigts, ils tapent n'importe quoi, ça. Je me demande si c'est un clin d'œil au fait que dans les films, les gens qui tapent sur les ordi, ils font n'importe quoi et que ça se voit. Je me demande si c'est pas un clin d'œil à ça, ou genre, là, c'est pareil, mais ça se voit pas parce que tu connais pas les lettres. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, le mec est vraiment très rapide avec ses doigts. On a Finn, Rose et DJ qui s'infiltrent, et on a Ray qui s'est expédié elle-même dans son cercueil en plexiglas. Là. Blanche-Neige. Alors, t'as oublié BB-8 par contre, hein, parce qu'ils sont pas tout seuls. Ah oui, c'est vrai, il y a BB-8. C'est vrai qu'on l'oublie vite. On l'a oublié parce qu'il est trop bien déguisé. Mais oui, c'est vrai, je l'ai pas reconnu. J'étais bluffé. D'ailleurs, il s'est fait vite oublier, en fait. Après, il s'est fait vite oublier. Il vit vraiment sa vie. Mais oui, mais c'est même pour lui, c'est le film d'adolescent. Il se barre de son côté, il fait tout. Et... il devient autonome. C'est à cause de lui qu'ils se sont fait choper, en plus, Finn, DJ et... et Rose. Bah non, si. C'est pas sa faute, c'est la faute à l'autre droïde. À sa part d'ombre, justement, lui aussi. Ouais, c'est vrai, lui aussi. Comme en ce temps, Poe, il monte une mutinerie. Moi, j'ai marqué, Poe est un sale con. Voilà. Ça résume bien. Le film est vraiment trop gentil avec Poe. C'est une façon de dire. Et les mecs qui s'énervent contre ça doivent avoir la peau si fragile. Ouh, subtil. Moi, je trouve pas qu'il soit montré comme... le film c'est trop gentil avec lui parce qu'il enfin non mais il s'en sort très bien par oui, rapport à ça, son il s'en sort bien il s'en sort oui ils ont que toi tu aurais foutu en cours martial dans la résistance, ils sont plutôt sympas avec lui, mais c'est parce qu'il manque d'effectifs. C'est montré comme quelqu'un qui veut faire ça bien mais qui fait complètement de la merde, mais moi ouais, je s'en sort bien en fait dans ça devait être lui le fils d'Anakin en fait, de Luke. Et qui essaie de faire bien et qui fait n'importe quoi à la place. Oui, et puis il est très, très têtu et il manque de perspective et de vue, ouais, de vue d'ensemble. Un ado dans... impétueux qui se rebelle contre l'autorité. Oui, mais c'est l'ado tête à claque, tu vois. C'est pas l'ado qui fait ça parce que l'autorité c'est des pourris, c'est l'ado qui fait ça alors que l'autorité est bien, mais parce que vous me laissez pas fumer ma clope dans mon coin. Ouais, non, mais il pense mieux savoir, il pense qu'il pourra mieux faire aussi. Enfin, c'est... puis à la fin, bah, il se prend une grosse gifle par sa... non, il se fait stun par sa mère. Écoute, maintenant, tu retournes dans ta chambre. Mais c'est intéressant, ça, justement, ça montre aussi que bah, les autres ados, ils ont raison de se révolter, et bah lui, non. Parce voilà. Que des fois, on le fait alors qu'on devrait pas, et des fois, on le fait pas alors qu'on devrait, mais ça, c'est moi. Et puis même, on en a parlé au tout début, avec la réaction qu'il a quand il voit, et quand il voit Holdo, il y a aussi un problème de sexisme ou de trucs comme ça, clairement. Voilà, c'est même plus que l'anima. Ça, voilà, c'est pardon l'anima, oui, voilà, c'est ce anima et animus que tu parles dont, ouais. Dont tu parlais, ouais, j'ai pas autant lu Jung que toi, mais oui là il y a plein de problèmes avec dans le pas des problèmes dans le sens que c'est mal fait, mais il illustre plein de problèmes à la fois. Oui. Dans la novélisation, il parle beaucoup de son point de vue et de ce qui se passe interne, et ils ont essayé de montrer que Enfin, tu sais, d'arrondir un peu les angles, je dirais, mais c'est tellement tête-à-claque quand même, tu sais, genre, je veux du rélo, moi, passons les passages du livre, là, où il y a peau. Mais quelque part, c'est important d'avoir des personnages cons comme ça, parce que je veux dire, des cons dans la vraie vie, il y en a, donc on doit en parler. Et il est pas méchant, tu vois, c'est aussi pour montrer que tu peux être quelqu'un de bien et être trop obtus et te tromper... alors que tu crois faire les trucs bien et que en fait t'as juste pas confiance assez aux autres. Quelque part en fait le personnage de Poe ça devrait être un peu être une leçon aux gens qui disent ouais voilà, à chaque fois qu'on a des personnages racistes dans une œuvre de fiction, les gens disent bah voilà, mais c'est voilà, je voulais faire un personnage con ou sexiste ou comme ça, et c'est quelque part c'est toujours un peu une excuse pour mettre des personnages racistes et tout. Là c'est, quelque part on a vraiment un personnage qui fait des conneries, mais je veux dire, on s'en sert pas comme excuse juste pour mettre disons, c'est il y a une vraie intention derrière. Je sais pas si c'est très clair. Non, mais ça fait partie de son développement complètement. Non, mais surtout le fait que c'est une excuse qu'on entend souvent quand des gens essaient de justifier que leur personnage est raciste ou sexiste. Là, c'est vraiment le cas, c'est pas juste une excuse. Oui, parce que là, en plus, il montre qu'il a tort. Généralement, quand les gens mettent des trucs sexistes, racistes, juste pour c'est, il le prouve jamais que c'est tort, t'es censé, enfin, qu'il a tort, t'es censé. C'est exactement comme les comédies. Si tu ris avec le raciste, c'est que c'est raté. Ouais. Et puis, il y a la fameuse scène de l'ascenseur. Il a plus envie avant. On m'a demandé de parler d'une scène dans The Last Jedi qui m'avait marqué. Et en fait, j'ai pensé à plein de trucs, parce qu'il y a plein de trucs marquants dans le film, j'ai pas arrêté de changer les idées. Mais comme je suis cosplayer, j'ai envie de parler d'un truc qui m'a parlé en tant que cosplayer. Et ce truc-là, c'est le coup des fers à repasser. Genre, parce que vraiment, à ce moment-là, il y a personne qui s'attend à voir ça. Et tout le monde se dit, ouais, quand même, ce vaisseau, il ressemble vachement à un fer à repasser, hein. Et personne se dit que c'est vraiment ça, quoi. Et ça, c'est parce que Star Wars, depuis le début, depuis 77... c'est du bricolage. Et tout le monde sait que c'est du bricolage. Et on sait que c'est des morceaux d'objets de la vie de tous les jours qui sont réutilisés pour faire des armes, pour faire des vaisseaux. C'est du kit bashing, c'est vraiment des bouts de tout et de n'importe quoi. Donc on est habitué à voir ça, on est habitué à voir des objets réutilisés. Et en fait, on est complètement pris au dépourvu quand on se retrouve vraiment avec genre cet objet-là à la con sous les yeux. Et ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne... qui fonctionne bien dans ce que ça veut faire. Et puis en plus, pour moi en tout cas, c'est une référence aux origines un peu de Star Wars, de ce que c'est depuis le début, quoi. La scène de la buanderie qui a fait rager beaucoup de monde aussi. Ouais, le fer à repasser. Ça m'a fait rire. Ça m'a trop fait rire. Je trouvais ça génial aussi. Hein. C'était génial. Mais oui, c'était trop bien. J'ai noté j'ai eu une note de blague dans toutes mes notes et c'était celle-là. Moi, j'ai vu le truc et je me suis dit, attends, mais il est bizarre celui-là. Mais pareil. Ce qui est génial, c'est que tu te demandes, tiens, je connais pas ce vaisseau. Non, en fait, c'est un train d'atterrissage. Non, c'est. Ah, ok, d'accord. Non. Mais en plus, c'est génial parce que en même temps, ça te montre aussi un peu le background, ce qui se passe derrière la scène, quoi, parce que tu vois toujours les gens qui arrivent dans Star Wars dans les vaisseaux ennemis et qui butent tout le monde, voilà, mais tu vois pas ce qui se passe derrière, tu vois pas la vie du vaisseau. Et là, tu vois, ils ont une petite. Ils sont malins en plus parce que, genre, c'est pas comme dans l'épisode 4 où ils tuent des Stormtroopers pour leur piquer leur truc. Là, ils vont directement à la laverie et récupèrent les trucs au pressing, tu sais. C'est trop mignon. En plus, c'est impeccable comme ça, nickel. Ça m'a trop fait marrer. Je veux dire, même leur fer à repasser, ils sont méchants dans le premier rang. Voilà, nous, on veut des fer à repasser noirs, s'il vous plaît. Est-ce que je vais faire un peu ma propagande, du coup, parce que j'ai une petite anecdote sur ce fer à repasser. Ah, tiens, je m'en donne un mini. C'est une inspiration. En fait, c'est une référence au premier fan-film de Star Wars qui s'appelle Hardware Wars, où on voit donc des fer à repasser qui volent, tout ça. On avait parlé d'ailleurs dans l'épisode dédié au fan-film qu'on avait fait avec toi. Écoutez ça. Putain, c'est trop bien ça. Ça, c'est de la bonne anecdote. En plus, c'est bien parce que ça permet d'expliquer comment ils trouvent des uniformes à leur taille. Ils ont toute la collection. Là. D'ailleurs, petit détail intéressant, ils n'ont pas les uniformes de la même couleur. Rose a l'uniforme bleu qui veut dire qu'elle est plus gradée que les deux autres gars. Ah. Bon à savoir. Voilà. C'était c'est peut-être parce que c'est une reine en fait. Par contre, ils n'ont fait aucun effort pour BB-8 et c'est ça qui va les perdre. Hein. Ouais. Ouais, il lui foutent pas une cagette de légumes sur la tronche. Une poubelle, une poubelle. Et retourne une poubelle, il la vide et lui met dessus. Et t'as BB-8 qui fait les bruits de Mouse Droid, tu sais, les droïdes souris que t'as partout dans l'Empire, là, les espèces de petites. Oui, oui, oui. Et ça, il essaye de faire ces bruits-là et c'est trop drôle parce que le machin, il est énorme, ça ressemble pas du tout à un Mouse Droid. Il prend les murs en bouffe. Il shoot des gens. Il rentre dans les jambes de Stormtrooper, c'est trop drôle. Non, c'est trop marrant. T'as les autres qui sont genre super stressés, c'est les trois genre putain qu'est-ce qui nous arrive, et t'as BB-8 qui est complètement bourré genre. Et pendant ce temps-là, Snoke fait le show. Petite musique d'ascenseur. L'ascenseur qui est importante. D'ailleurs, c'est rigolo parce que voilà, c'est le deuxième vieux qui coque-bloque. Il n'y avait pas de bouton stop ascenseur, tu sais, pour l'arrêter en plein milieu. Mais cette scène de l'ascenseur, pour moi, c'est pas aussi un écho à la scène du retour de Jedi où t'as Luke et Vador dans le couloir. Bah, un peu, oui. À ce et d'ailleurs, ce qui est intéressant, donc je reviens encore là-dessus. Donc au début, c'était toujours Kylo qui se rapprochait d'elle quand ils se connectaient. Ensuite, elle a fini par approcher sa main et ils se sont retrouvés à mi-chemin. Et cette fois-ci, lui ne bouge pas et c'est elle qui vient à lui. Elle vient très près. Elle a littéralement fait le trajet en Faucon Millenium. Oui, c'est ça. Oui, mais après, dans l'ascenseur, en plus, elle se colle à lui. Je veux dire quand même, Chewie, son meilleur ami vient de se faire tuer. Elle fait « Ok, j'ai un rencard avec Ben. » Bon, ok, petite, je te dépose. En même temps, ça reste le fils d'Anne aussi. Enfin, il l'a connu petite, Chewie. Enfin... Ray, elle est toute maquillée discrètement, mais tu vois qu'il y a un petit changement de maquillage, qu'elle est toute coquette quand elle arrive voir Ben, et du coup il y a des gens sur Twitter qui rigolaient en disant « T'imagines, c'est Chewie qui l'a aidé à faire son petit maquillage et tout. » C'est trop, trop mignon. Ah ouais, j'adore. Tonton Chewie qui est là, quel bon gars sûr. Ensuite, mes notes, elles sont pas trop dans l'ordre. Donc moi, j'ai déjà d'autres trucs que Snoke dit. Ouais, Snoke, j'aime beaucoup sa façon d'être. C'est vraiment un sale con. Ouais. Comme Poe, mais différemment. C'est un boomer, c'est pour ça. Et puis, pour un raisin desséché, il fait peur quand même. Ouais, c'est clair. Et le mec, il est super fier d'expliquer son plan. Là, de l'entrée, ah, j'avais tout prévu depuis le début. Ouais. Il est très très fier. Ouais, il est tellement machiavélique et cruel, ça, il est merveilleux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il menacerait de la tuer de la façon la plus cruelle possible. En fait, la façon la plus cruelle possible, hein, c'est de la faire tuer par Ben. Et même lui, il sait. Et le pire, c'est que c'est cruel pour les deux. Parce qu'il sait que Rey, c'est horrible de se faire buter par le gars qu'elle est venue sauver et qu'elle pensait qu'il se retournerait de son côté. Et Ben, c'est horrible pour lui parce que, il y avait enfin quelqu'un qui t'aimait bien dans la galaxie. Tu l'as. C'est atroce. Il sait que ça va faire flancher Ben du côté obscur. Sauf que, oups. Non, mais gros moment comme Snoke, là. C'est vrai que c'est un truc aussi, on voit dans ce passage qu'il est vraiment obsédé par les Skywalker. Il n'arrête pas d'en parler, il en parle même plus que de Rey. Vu le titre du prochain film, je pense qu'il avait raison. Et vu sa destinée aussi, d'ailleurs. Il avait conscience de la menace, en fait, hein, que ça représente. Ouais, ça doit être ça, ouais. Au final, ce qui est rigolo, c'est qu'il avait peur de Luke. Et là, il se dit « Oh, en fait, c'était d'elle que je devais avoir peur. » Et en fait, non, c'était de Kylo qu'il aurait dû avoir peur. Bah, dans la novélisation, il espérait pouvoir la prendre, elle, comme apprentie, parce qu'elle est beaucoup plus forte mentalement que Kylo. Et justement, c'est pour ça qu'il sait qu'il ne pourra pas. C'est qu'elle est trop forte. Donc, il ne pourra pas la manipuler. Elle a trop de convictions. Elle est trop un Jedi et trop du côté lumineux. Il sait que, ouais, bon, elle sera pas manipulable facilement comme il a pu manipuler Kylo. Mais c'est comme par rapport à ce que tu disais, Grush, c'est une constante avec tous les adeptes du côté obscur, c'est qu'ils se font avoir par leur trop grande confiance en eux, de toute manière. Mmh, toujours. D'ailleurs, elle lui dit, hein. elle lui dit que... Il s'y croit trop. Tu t'y crois trop, mais tu vas voir, ça va te retomber sur la gueule. Et puis ça se finit par le meilleur hockey boomer de l'univers. Oui, mais alors par contre, pendant ce temps-là, il y a Po qui fait son ultime connerie, hein, il fait sa mutinerie. Et du coup, pendant sa mutinerie, il balance des informations confidentielles à Finn, et du coup, pendant que le film l'entend, eh ben, il y a aussi DJ qui les entend et qui va pouvoir utiliser ces informations pour dire au premier ordre que, oh, regardez, la résistance est en train de s'enfuir dans des tout petits vaisseaux. Ce que Holdo essayait d'éviter. C'était que l'information se sorte, et c'est pour ça qu'elle le disait à personne. Et genre, pourquoi elle a rien dit ? Exactement pour ça, mon petit connard. Non mais à mon avis, Po, lui, il a trop vu Scarface, c'est pour ça, il s'est trop cru, la scène finale et tout, donc il se sentait plus à ce moment-là. Ouais. Mais attends, mais ça finit pas bien du tout, en fait. Non mais, vraiment trop bête, heureusement qu'il y a... D'ailleurs, oui, j'avais un truc que j'avais copié de quelqu'un en anglais qui disait qu'en plus, le fait que Po, il fasse ça, ça a des conséquences sur tout le monde, parce que déjà, bah, ils ont pratiquement toute la résistance qui se fait détruire. Mais en plus, à cause de ça, à la fin de la bataille contre les gardes prétoriens, eh ben, Rey, elle est tout de suite dans la réaction au fait que la résistance est en train de se faire tuer. Et du coup, ils n'ont pas le temps de discuter pour de vrai et de manière posée. Ils sont dans l'urgence. Et du coup, c'est à cause de Po, au final, que ça se finit mal aussi entre eux. Oui, parce qu'elle n'a pas le temps de le raisonner. Elle, pendant qu'elle voit ce qu'il est en train de faire, elle se dit « Ouais, les autres, ils meurent derrière, il faut que j'agisse. » Et du coup, c'est ça qui fait le conflit. Mais est-ce qu'elle aurait pu ? Ça, on ne sait pas, mais elle aurait essayé. Ils auraient pu discuter, ils auraient pu... Peut-être qu'on le saura, en fait. Je me trompe. Ça se trouve, on le saura. On n'a pas fait discuter, toi et moi. Est-ce qu'on sait de combien de morts est responsable Po depuis le début du film, là, à ce moment-là ? 40 milliards. Ok. Estimation basse, selon la police. Selon Po, personne. Et bientôt, on va apprendre qu'il était infiltré du premier ordre et que, en fait, Starkiller Base, c'était son idée. Oh putain! Ça ressemblerait bien. Non, en vrai, j'aime bien Po. Je peste un peu contre lui, mais je l'aime bien. Oui! Ah oui, moi aussi. Je pense qu'on l'aime bien tous. Hein, mais même le. Juste, il fait du caca des fois, il faut qu'on lui mette le nez dedans aussi, simplement. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que même le film le dit quand, après qu'il l'ait stunné et qu'il le mette dans la navette, il y a Holdo et Leia qui discutent, qui disent « Ah voilà, lui, il fout la merde, mais je l'aime bien quand même. » Oui, c'est exactement mais ça. Oui. C'est pour ça que je dis que le film, il est quand même super gentil avec lui, et les mecs qui sont triggered par ça, c'est assez rigolo, quoi. C'est vrai que dans ce passage, je suis d'accord avec toi, Gruff, là, qu'il a quand même, il a quand même fait une mutinerie, mais voilà, Holdo, c'est bon, pas de problème, voilà, pas de... Oui, parce que c'est pas énervé pour un sou, elle comprend. Parce que c'est le protégé de Leia, le mec, ce serait un inconnu, il se serait fait saquer, je pense. Je pense que là, quand même, il aurait mérité plus que ça, voilà, oui. Je trouve que... c'est peut-être parce qu'ils ont des problèmes un peu plus pressants que de foutre un mec en tôle, mais ils sont sympas avec lui. En plus, ses parents, c'était des potes de Luke. Attendez, j'ai une super théorie. Vous savez, à la fin, quand Rey, elle sait pas qui c'est Po, alors que dans la novélisation de The Force Awakens, si c'était déjà rencontré. Mais en fait, c'est parce que c'est sa punition. Maintenant, Rey, elle a décidé de le punir en oubliant toutes les 5 minutes qui il est. Vous allez voir, c'est tout le scénario du 9. Elle l'oublie tout le temps. À chaque fois qu'ils sont séparés plus de 30 secondes, c'est qui lui ? Non, mais à mon avis, c'est juste que c'est lui qui est super content de faire le héros et dire hey, je m'appelle Po, au fait. Voilà, c'est pas qu'elle oublie, c'est que lui, il est toujours super content de se présenter. Et là, elle lui dit ouais, je sais, ça fait 10 fois que tu me le dis aujourd'hui. C'est au fait. Et puis c'est le genre de gars qui aime bien avoir dans ses relations des personnes intéressantes. Donc quand il va voir des gens qui sont forts, qui sont intéressants et tout, il va se dire ouais, il faut que je sois pote avec eux. Est-ce que c'est juste coup de bol qu'elle se réveille à ce moment-là, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher Leia pour lui foutre un coup de blaster? Non, mais je pense que c'est aussi quand elle s'est reconnectée avec Luke, petit à petit, elle a commencé à aller mieux. Ah, ok. Je pense que c'est plus ça. Oui, non, ça semble être une bonne explication. pardon, comme elle ressent ce qui se sent, ce qui se passe à travers la force, elle a dû sentir qu'il y avait du bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que vous foutez? Laissez-moi faire une sieste pour une fois, merde. Sinon, pour Po, bah, simplement, on arrive au moment où il va enfin apprendre un peu, quoi, enfin, avoir le déclic. C'est pas, pour, pas encore pour tout de suite, mais c'est bientôt. Et du coup, ce qui est intéressant par rapport aux autres trucs, c'est que comme on sait que Ben Solo, dans l'ascenseur, il savait déjà qu'il allait tuer Snoke. Le truc, c'est qu'il savait pas exactement pourquoi. Et c'est intéressant de voir que le moment où il prend vraiment sa décision, c'est quand elle est en danger. Et genre, le mec, depuis le début du film précédent, le mec, il a jamais été aussi sûr de ce qu'il allait faire. Genre, c'est genre, il est tout le temps en train de douter de tout. Mais ça, il savait qu'il allait le faire. Genre, ah ouais, t'as touché ma meuf. ou ma sœur, hein, mais enfin, ou les deux. Hein. Oh non. Mais dans la novélisation, la scène, toute la scène avec Snoke, Kylo et Rey, elle est ultra intéressante parce que t'as beaucoup plus d'infos sur Snoke et parce que ça se passe beaucoup du point de vue de ce qui se passe dans la Force. C'est-à-dire que t'as le point de vue de Snoke de la scène et lui, il t'explique qu'il aime pas regarder les choses avec ses yeux, il aime les regarder avec la Force. Et ce qu'il aime, c'est voir les mouvements de la Force. Et du coup, il observe les trucs comme ça. Et c'est ça qui fait qu'il a énormément de pouvoir, c'est qu'il a pris plus l'habitude de regarder les mouvements de la Force que avec ses propres yeux. Maintenant, on en est à la scène la moins bien chorégraphiée de tous les temps. Parce qu'il y a un couteau qui disparaît à un moment. Moi, je le vois jamais. Hein. Non, moi, je le vois, mais je veux dire, il faut vraiment avoir rien d'autre à faire. Alors voilà, il y a Snoke qui se fait couper en deux. J'adore comment son corps il tombe comme une merde. Mon plan préféré d'ailleurs du film, c'est le sabre qui passe de Snoke à la main de Rey, comme ça, c'est vraiment. Ah, ça me fait des frissons. C'est un mec qui le lance, le sabre, quand Rey le chope. C'est un mec qui le lance. Il y avait un mec sur scène, sa spécialité c'était de lancer le sabre à chaque fois. Et là, il devait le lancer pour qu'il ait l'air de venir du trône. Waouh! Le don trop utile, quoi. Mais oui, grave. Et bien, c'est Rey, Daisy récemment qui a fait une interview pour GQ, je crois, où elle a, où ils lui ont fait regarder la scène justement de la salle du trône, depuis le moment où elle arrive dans la salle et jusqu'à la fin du combat, etc. Toute la scène. Et du coup, elle commentait en fait sur comment ça avait été fait en pratique, sur le making of, tout ce qui se passait et tout, c'est super intéressant. Ouais, moi je veux savoir si ce chopage de cuisse était prévu ou pas. Je ne sais pas, elle n'en a pas parlé. Non, normalement ça devait être le zizi, mais ils ont dû faire différents films seulement. Mais ils l'ont fait, a priori, ils l'ont fait 25 fois la scène. Oh la vache. Ah, classe. Quand ils ont fini, ils se sont fait un high five et il l'a prise sur ses épaules et puis ils ont couru comme ça partout. Et ça, par contre, ils l'ont pas laissé dans le film. Oh, ça va plus, hein. Merde. Les rayons en PLS. Ouais, moi, j'avais dit que c'était une grosse récompense. Hein. On avait vu leur. Ça, c'est vraiment un moment très satisfaisant, je trouve, quand même. Et c'est un joli message aussi. C'est quand t'écoutes ta compassion, et ben c'est là que tu deviens un héros. Et j'adore en plus le fait qu'il y ait tout qui brûle petit à petit parce que Rey elle balance un truc dans les rideaux. Ça brûlait pour de vrai d'ailleurs. Oui. Ce que vous voyez dans le film, c'était exactement comme ça quand ils étaient sur le set. Hein. Il y avait vraiment tous les trucs rouges. Ça ressemblait exactement à ça en vrai. Ils n'ont pas eu besoin de rajouter du CGI et tout. Et donc elle fait vraiment cramer tout le tour de la pièce. Vache. C'est dangereux, le truc. Là. Mais du coup, il crevait de chaud hein, pendant le truc, quand il se battait. Parce que y a tout qui cramait autour d'eux. Moi, je suis assez fan du plan dos à dos au début de la... Enfin, si on peut dire au début de la scène, mais au début du combat. Ah, oui. On voit vraiment la différence de style des deux. Ouais. Il est très en avant, il est très brutal, donne tout le temps des coups de pied. Il a une posture bien particulière, et à côté, ouais, elle est un peu plus fluide. C'est moins précis aussi, c'est un peu plus brouillon, mais ils se complètent bien. C'est génial, ouais, ils se complètent bien et ça marche bien. Et puis ce petit passage où ils sont dos à dos vraiment, c'est fantastique. Ce plan est magnifique. Et ils se sauvent l'un l'autre en plus. Hein. Ils se donnent toujours un coup de sabre laser en derrière. Il y a 8 gardes et lui il en tue 5, elle en tue 3. Et un des trois qu'elle tue, c'est le tout premier qui meurt. Il est en train de courir vers lui. Et puis elle se retourne et pop, elle le plante et puis c'est bon. C'est trop drôle. Genre, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, elle galère à chaque fois contre... Ouais, oui. Parce qu'elle n'est pas entraînée. Il est entraîné. Hein, ouais. Ouais, oui. Genre, tout cas, moi, en tant que fan de la prélogie, je trouve qu'ils ne font pas assez de moulinets. Mais il en fait beaucoup quand il ne se bat pas, lui. Mais... Oui, mais c'est du... Enfin, chaque mouvement est une économie aussi. Enfin, il y a, c'est bien, enfin, pas réaliste, ça veut rien dire ça, mais c'est bien plus logique la façon dont il se bat que celle de la trilogie. C'est pas des Jedi. C'est pas le même combat. À l'époque. Si tu regardes le combat Anakin Obi-Wan, il y a plein de moulinets parce que c'est une chorégraphie. Quand tu apprends l'escrime et tout, les trucs comme ça, t'apprends certains placements, certains mouvements. Donc forcément, ils ont cette espèce de côté spectacle, chorégraphié, etc. Là, c'est des mecs, ils ont pas de sabre laser, ils visent pour tirer, tu vois. Non, mais je disais ça pour rigoler, les moulinets, c'est... moi, je pense aux moulinets, genre bataille, combat final de l'épisode 2, là, où c'est... La tête de la parade. Oui, voilà, oui. Non, il est très, très bien, ce combat. Non, il est bien mieux, justement, que cela. Et Adam Driver est super impressionnant. Il est vraiment bourrin, en fait. C'est ça, c'est qu'il est... chaque mouvement, c'est... Il y va, hein, il fait pas semblant. Mais même elle, hein, Désirée, ah oui. Et Rey, elle est vraiment vénère, quoi. Quand elle hurle sur le garde prétorien, c'est grave stylé. Ah oui, elle est à fond, mais je sais pas, il est pas bestial, oui. Mais il y a côté, oui, bah, si, le côté, ouais, monstrueux qu'elle lui dit à chaque fois. Là, il ressort animal, voilà, qui ressort. Oui, c'est quoi. Ça, ouais. Bah, c'est la belle bête, quoi, faut pas l'oublier, quoi, c'est vraiment... Et elle, c'est une petite belette, tu vois, qui se bat en montrant ses dents, et puis lui, c'est le gros tigre ou... L'ours, même, hein, je pense. Ouais, oui, c'est vrai. Et on n'arrête pas de dire qu'il est balèze et tout, voilà, c'est bien qu'il le montre vraiment à ce moment-là. Mais dans le making-of, tu le vois s'entraîner en débardeur. Tu vois tous ses muscles et tout, quand il se bat, wow. Et vous savez, quand Rey, elle se fait choper le sabre laser par l'espèce de lame en chaîne, là, ouais, où le gars il la rapproche de plus en plus d'elle avec sa chaîne, là. Et ben, en fait, elle et Daisy et Adam, ils avaient un jeu où ils lançaient des insultes quand ils tournaient la scène pour essayer d'être dans le truc et tout. Et à ce moment-là, elle a dit une énorme insulte. Et du coup, elle lui a balancé cette grosse insulte au gars avec qui elle se battait. Et puis, du coup, ils ont dit, waouh, elle est parfaite la scène, on la garde. Cette prise-là, et ils sont juste édités, tu vois, pour enlever son insulte et puis mettre autre chose à la place. D'ailleurs, moi... Je crois que c'est ça, c'est quand t'es... Vas-y. Non, je t'en prie. Non, moi, ça m'a fait rigoler. En voyant une deuxième fois l'émission, je me suis dit... Enfin, la scène, les gardes, c'est les Tortues Ninja, ils ont chacun leur arme favorite et tout, voilà. Ils ont dû se disputer au début pour dire c'est qui a le fouet trop stylé. Ils l'ont fait à de la courte paille. Knights of Ren, en fait. Oui, c'est les boys band de l'espace. Les Knights of Ren, c'est un peu c'est des punks à chiens en comparaison. Moi, ouais, j'aime bien. Bah oui, moi, j'arrive pas à comprendre comment vous êtes déjà énervé contre eux alors qu'on sait presque rien. Non, les kiffe. Je suis pas énervé, mais je trouve qu'on dirait juste des schlags, en fait. Les mecs. C'est trop bien. On dirait le groupe d'ados. Ils se sont fait des costumes avec ce qu'ils trouvaient sur une décharge. En même temps, à côté, t'as un prince genre héritier de la République. Eux, c'est les mecs qui suivent, ils ont moins de thunes, donc bon, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Mais moi, je les vois vraiment comme les punks à chien dans le parc là, qui foutent un peu la zone et qui essayent d'encanailler le gamin bien propre sur lui qui devait être prince. Ben. Quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté... D'accord. Ils font un peu pouilleux. Franchement, ils font pas peur. Je trouve du peu qu'on en a vu, ils font pas peur. Prétoriens, là, ils ont une gueule. Le design est quand même vachement cool. Enfin, ça marche bien, quoi. Mais... Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, il y a Finn, lui, qui apprend enfin qu'il va pas pouvoir rester neutre parce que voilà, ils se sont fait. Ils se sont fait trahir par DJ et c'est là qu'il se rend compte que il va pas pouvoir retourner en arrière. Lui, il a ressenti de la compassion sur Canto Bight pour ceux qui souffrent des profiteurs de la guerre. Il a vu ce qu'il peut faire par son action et par son inaction. Et maintenant, il va rester aux côtés de Rose, quoi. Et des rebelles. Il s'est rendu compte que d'être ni de gauche ni de droite, c'est surtout être de droite. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais. D'ailleurs. Discours de DJ, c'est « Ah, il y a les profiteurs de la guerre, machin », mais lui-même en profite, en bossant pour l'un ou pour l'autre, enfin, trouvant toujours un moyen de se rémunérer comme ça, quoi. Oui, mais c'est exactement le truc que je disais par rapport à l'alt-right et les trucs d'incel, les trucs comme ça, les communautés vachement d'extrême droite en ligne qui veulent croire qu'eux, ils sont subversifs et ils sont détachés de tout. C'est pas vrai. Ils ont toujours une opinion politique et une appartenance à des espèces de dogmes et de pensées communes. Et ils se dictent même aux uns aux autres comment penser. Et penser, c'est, pour eux, c'est du côté de l'extrême droite. Et du coup, ils se voilent la face. C'est un mensonge. Tu peux pas être neutre parce que le fait de pas agir, ça constitue en soi une prise de position. Tu choisis, si tu laisses quelqu'un se faire battre devant toi, tu choisis de ne pas aider quelqu'un. Tu choisis du coup de laisser une personne faire du mal à quelqu'un. Donc t'as pris une position. Ok. mes petits enfants, je sais plus. Ah oui, et du coup, ça y est, ils finissent leur combat. D'ailleurs, pour la première fois, il arrive à toucher le sabre laser des Skywalker. Et il fait un petit trou dans la tête de celui qui était en train de l'étrangler, Kylo. Et c'est là qu'il part en couille. Je suis libre. Ils sont plus pétés, là. Et là, il fait full Skywalker. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que voilà, il va lui dire, tu sais, il fait bien, machin, ouais. Truc et tout. Et c'est intéressant parce que lui, il vient de tuer son agresseur, le gars qu'il avait. Abusé toute sa vie, il considérait que son, tu sais, son droit de naissance de Skywalker, c'était le seul truc précieux qui le concernant. Même Luke, il décrit Ben par son sang en disant le sang puissant des Skywalker, et c'est pas pour rien que lui il va l'avoir. Il dit, c'est comme dans Orgueil et Préjugé, tu sais, t'es pas du même rang que moi, mais je t'aime quand même. C'est genre, c'est... Mais ça compte pas pour moi. Ouais, c'est ça, mais genre, t'es con. Mais en même temps, ce qu'il lui dit aussi, c'est que ils sont tous les deux pareils, parce qu'ils sont tous les deux, tu sais, c'est genre, nous sommes tous les deux des enfants monstres indésirables qui ont été jetés à la poubelle. On est pareils, et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Tout ce dont on a besoin, c'est l'un de l'autre. Bah, techniquement, c'est ce qu'il devrait lui dire. Mais ce qu'il lui dit, c'est que il ne dit pas « voyons ce qu'on peut faire ensemble », c'est « on a besoin de l'un de l'autre et on va faire ça, ça, ça, ça, ça ». Et la liste des trucs, c'est complètement « non mec, t'es encore dans tes vieux travers, tu veux pas faire ça ». C'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu crois que tu veux, parce que c'est ce qu'on t'a foutu dans le crâne pendant des années, ou c'est parce que tu as envie de passer ta colère d'une certaine façon, mais c'est pas comme ça que tu vas être heureux. Ben, moi, je trouve quelque part ça va bien dans le contexte de la relation qu'il a avec Snoke, parce que c'est un truc qui se voit dans la vie, disons dans la vraie vie, de gens qui ont subi de l'abus quand ils étaient gamins et qui reproduisent le même schéma après, parce que finalement c'est que ça qu'ils ont connu. Et c'est le seul exemple qu'ils ont suivi. Et même s'ils savent que justement ça leur a fait tellement du mal à eux-mêmes quand ils l'ont subi, c'est le seul exemple qu'ils ont à suivre. Donc voilà, c'est le cercle de la violence, le cercle de l'abus qui se termine jamais. Et des fois, ils s'en rendent pas compte, parce que là, Kylo, son but, c'est pas d'être comme Snoke, c'est de... contrairement à Snoke, lui, il veut laisser tout tomber, il veut plus en avoir rien à foutre de la résistance, des Jedi, des Sith, machin, il veut vraiment passer à autre chose. Sauf qu'il le fait, en fait, comme fait Snoke, c'est juste, tu vas quand même tuer des gens, et c'est juste pas les mêmes, les mêmes personnes, quoi, tu choisis juste plus large, mais c'est comme tu disais, il se rend pas compte qu'il est en train de perpétuer les mêmes abus que celui qu'il a rejeté. De toute façon, quand tu demandais à Ray de la rejoindre, c'était juste pour, genre, je sais pas, partir en camping ou un truc comme ça, tu vois. pas pour gouverner toute la galaxie. C'est pour ça qu'il est déçu quand t'as dit non, parce que juste il voulait peut-être juste faire un truc plus cool que gouverner. Elle espérait qu'il l'emmènerait sur Naboo, Rouler, lac, rouler dans l'herbe. Dans la résidence secondaire. Le problème, c'est que lui, ce qu'il lui propose, ça veut dire de laisser les gens mourir. Et du coup, c'est pour ça qu'elle dit non. C'est parce que tu veux même pas aider les gens, en fait. T'es encore trop égoïste et tu peux pas. Ça, c'est des gens, quoi. Tu peux pas les laisser mourir en mode « Oh, c'est bon, on les laisse crever, tous ces vieux cons. » Et puis, ceux qui seront pas d'accord, pareil, on les tuera. Non. Je suis pas comme ça, moi. Kylo, désolé. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai mis ma longue note sur le fait que Rey, c'est une Marissou qui rate jamais rien. Parce qu'au final, Rey, son espoir, c'était de revoir ses parents. C'est grâce à ça qu'elle a survécu. Hein. Bon, ça, déjà, ça lui a été enlevé dans la cave. Elle peut pas chercher les réponses qu'elle voulait en dehors d'elle-même, parce qu'elle a tout à l'intérieur déjà. Rien lui a été donné. Elle voulait être juste un messager. Elle voulait que Luke soit un héros. Elle voulait que ses parents reviennent. Elle voulait rester à l'écart de sa sexualité par rapport à lui. En même temps, elle voulait que lui revienne, et elle a rien eu. Tout ce qu'elle voulait dans le film, elle n'a rien obtenu. Tout, genre, les mecs, ils disent, Luke, il a perdu sa main, elle a pas perdu sa main, elle a tout perdu. Elle a perdu tous ses espoirs, en fait. Parce qu'elle pensait vraiment, quand Ben s'est retourné et s'est mis avec elle pensait vraiment que ça y est, elle avait réussi, qu'il allait revenir, qu'il allait avoir la paix dans la galaxie. Et en fait, elle a tout perdu, parce que elle l'a perdu lui. Elle a perdu plein de gens de la résistance qui sont morts le temps que ça s'arrête. Elle a perdu Luke. Elle va perdre Luke. Elle a perdu ses parents. Et du coup, c'est pour ça, faut l'imaginer, à mon avis, dans The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, elle aura ce côté qu'elle a pas d'espoir, parce que qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Mais à mon avis, ceux qui lui font ce reproche-là, ce que tu disais, Grushkov, ils voient pas vraiment cet aspect-là. Eux, ils s'intéressent pas finalement à la quête personnelle de Rey. Tout ce qu'ils voient, c'est que elle a entre guillemets battu Luke, elle a buté comment il s'appelle, Snoke, avec l'aide de Kylo. C'est, ils voient uniquement le body count, ils voient pas le côté personnel du truc. Pour eux, c'est pas important pour ça, tout ça. J'ai littéralement vu un gars qui disait un jour, elle rate jamais rien à part si on considère ses émotions pourries, genre. Mais il y a une grosse part de misogynie dans tous ces mecs-là. Hein. À partir du moment où ils disent qu'elle c'est une Marissou et qu'ils disent jamais ça des mecs dans Star Wars. C'est vraiment que de misogynie, je pense. Oui, oui, complètement. Puis aussi de la difficulté à parler de ce que c'est d'avoir des sentiments, tout ça, de dire que c'est pas important. Ouais. D'ailleurs, ça vient de misogynie de base, malheureusement, qui est ancrée dans l'éducation. Ouais, c'est la photo patriarcale. Hein. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui est rigolo, c'est que justement, maintenant, Ben, qui était à l'écoute de Rey et qui pouvait avancer grâce à ça, il se recoupe d'elle et donc de sa part féminine, et du coup, il retourne dans ses conneries. À ce moment-là, il y a Holdo qui commence à faire son petit truc, et il y a une officière qui essaye de prévenir Hux, qui décide de ne pas l'écouter, exactement comme Poe n'a pas écouté Leia au début du film. Et j'ai marqué résultat tragique garanti. Il a bien merdé là, Kylo. Mais ça, on en avait parlé dans l'épisode sur lui, hein, de le switch après, où il devient beaucoup plus du côté obscur qu'il ne l'a été avant. Bonjour à tous, c'est Lai Nangsu, hashtag Afra, hashtag licorne alcoolique, hashtag petit chaton. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous enregistrer un petit message sur ma scène préférée de The Last Jedi, Les Derniers Jedi, Star Wars épisode 8. Donc moi, la scène que j'aimerais évoquer avec vous, c'est celle qui commence tout de suite au moment du texte défilant, quand Po débarque et commence à faire sa petite blague au général Hux, petite blague qui m'a fait mourir de rire au cinéma, et qui se termine en fait quand le petit garçon sur Cantonica lève son balai en regardant les étoiles et en ayant des rêves plein les yeux. Donc en gros, si on résume, ça commencerait au début du film et ça se terminerait à peu près à la fin, quoi. Voilà ma scène préférée des derniers Jedi. Non, pour être sérieux deux secondes, il suffit que je lève les yeux et que je vois la représentation de la manœuvre Holdo que j'ai d'encadrer côté de mon téléviseur pour que je trouve tout de suite ma scène préférée dans ce film qui représente vraiment ce moment, ce parallèle entre la fin du combat Rey, Kylo Ren et les Prétoriens quand ils se battent pour le sabre et Holdo qui amorce son levier pour faire cette scène qui aujourd'hui fait à mes yeux partie de l'histoire du cinéma, cette scène sans musique où on a juste cet éclat, ce grand éclat lumineux qui clôture vraiment cet acte du film pour ensuite amener à la conclusion qu'on connaît. Voilà. Donc si je dois vraiment retenir qu'une, à mon avis, c'est celle-là. Je vous remercie. Le Radius qui casse le truc, ça n'aurait jamais fonctionné sur l'étoile de la mort. Faut arrêter de dire ça. C'est complètement débile. Je rappelle que le Radius, une fois qu'il a détruit la flotte là, le vaisseau sur lequel ils étaient et qui s'est fait couper en deux, il fonctionne toujours. Hein. C'est juste qu'il manque un gros bout. Oui. Elle est passée au travers et c'est minuscule comparé à l'étoile de la mort. Mm-hmm. Je crois qu'il fait 2,8 km d'envergure il me semble le vaisseau de Snoke. Ouais. Toile de la mort, c'est plusieurs centaines, je crois, kilomètres de diamètre. C'est... Alors que voilà, c'est incomparable. C'est vraiment l'étoile de la mort est gigantesque comparé au truc. C'est vraiment juste pour râler quoi. Et comment tu peux râler face à cette scène ? Alors, est-ce que l'un d'entre vous a envie de râler face à cette scène ? Si belle. Ça va. Ça va. Cool. Je crois qu'au cinéma, j'étais déjà. Waouh. Non, j'ai rien dit, je vais être bouche bée. Ouais, je vais être bouche verte, sûr. C'est magnifique. Je veux dire, genre, faire genre, ouais, c'est une tactique qu'ils auraient dû utiliser avant. Ils ont sacrifié la rébellion, ils n'ont pas beaucoup de vaisseaux, ils vont pas sacrifier un vaisseau à chaque fois qu'ils sont en train de se battre contre l'Empire, donc évidemment qu'ils ne l'ont pas utilisé avant, et je suis d'accord avec toi que oui, non, l'étoile de la mort est vachement plus grande, ça aurait été endommagé, mais ça aurait certainement pas fait les mêmes dégâts. Et c'est ce que je disais à un gars l'autre fois que j'ai rencontré et qui me disait ce qui lui plaisait pas dans The Last Jedi. Et du coup, je lui expliquais tout. Comme font les mecs. Hein. Et du coup, en plus, c'est pas une tactique qu'elle fait. Personne l'a fait avant. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais fait. C'est parce qu'ils savaient pas que ça marchait comme ça. Et enfin, une manœuvre désespérée, c'est qu'elle a ouais, que ça peut faire que ça en fait. Elle a essayé un truc et elle a eu de la chance, ça a marché. Ils savaient juste pas qu'ils pouvaient faire ça. Et comme tu disais, 10 minutes, ils ont pas 36 000 vaisseaux, quoi. Ça coûte cher. Ils ont pas les moyens. Même pour rappel, il y a un super Star Destroyer qui s'écrase sur l'étoile de la mort dans le Retour du Jedi. Le super Star Destroyer, c'est autrement plus gros qu'un Radius. Ouais, c'est vrai, oui. C'est 11 km de long, je crois, c'est un truc comme ça. Ils ont des armes, les vaisseaux. Je veux dire, les gens, de base, ils utilisent les armes de leur vaisseau. Ils vont pas sacrifier leur vaisseau en se disant « Ah, je vais foncer dans le vaisseau d'en face. » Puis là, pour le coup, ils ont eu le temps d'évacuer tout le monde. Parce que là, ils l'ont fait. Bon, ils ont sacrifié une personne. Si t'es au cœur de la bataille, t'as peut-être pas le temps de faire une évacuation. Là, ils se sont dit « Bon, dans ce contexte-là, peut-être ça peut marcher. » Et ça évitera de sacrifier tout le monde. Et de toute manière, il y a eu des milliards de trucs, des missions en disant « Oh, alors, est-ce que Star Wars est scientifique ?» Ils l'ont dit oui. Un milliard de fois que ça marchait pas comme mais ça. Oui. Mais oui, non, mais c'est de la fantaisie. Mais voilà, justement... C'est pas censé être scientifique, c'est pas censé être réaliste. Les sabres laser, ça ne peut pas marcher non plus. Ah, donc, oui, dans tous les cas, voilà, ça sert à rien de jouer à C'est pas sorcier pour essayer de savoir... Voilà, pour vouloir aller dénigrer une des scènes qui est genre, une des plus magnifiques du film, à couper le souffle et qui restera de toute la saga, voilà, qui marquera tout le monde, quoi, dans tous les Moi, cas. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que insensible. Dans certains cinémas des États-Unis, ils ont été obligés de mettre de prévenir au début du film en disant attention, dans ce film, à un moment, il y a une scène où pendant tant de secondes, il n'y a plus de son, c'est normal, c'est pas un problème technique. Parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient débiles au point de se dire oh, bah, il n'y a plus de son, ça marche plus. T'imagines que ça veut dire qu'il y en a qui n'ont même pas attendu genre 20 secondes avant de commencer à péter un câble. C'est inconcevable qu'à un film, il puisse y avoir plus de 20 secondes de silence. Non, mais t'as raison, Matt, sur le fait que voilà, ça semble inconcevable d'avoir un peu de silence dans un film. C'est vrai que. On est tellement habitué à des montages épileptiques que on a un peu oublié. On va dès qu'il y a des choses implicites, on va dire, enfin ah bah c'est un plot hole. C'est bah, pas dit non. dans le film. Ah bah c'est cet épisode de cette série est un filler. Bah non, il se passe plein de trucs, mais t'es pas foutu de les voir. Enfin, c'est infernal ce genre de truc. Ça. Ah bah ça c'était la fête aujourd'hui là, le jour où on enregistre. Enfin ça fait depuis hier, mais genre le nombre de fois où j'ai vu le mot filler. Par rapport à Mandalorian. Les gens, en plus, comme tu disais par rapport au gars, si tu laisses les émotions de... Enfin, si... Y a tout qui est nul, sauf si tu dis... Si tu le prends sous le spectre des émotions, c'est tout pourri. Bah non. Quand tu traites des personnages, il faut traiter les émotions, c'est pas des robots. Bref, on a fait une tangente encore, je suis désolé, c'est de ma faute. Non, c'est important. Parce que j'ai fait repartir aussi, moi, donc je me suis retenu. Moi, aussi. Alors écoutez, moi j'ai fait ce que je voulais dire, c'est que comme c'est un film intelligent et qui est justement ouvert aux interprétations, il y en a qui l'ont interprété un peu n'importe comment. J'ai l'impression que certains fans se sont vraiment identifiés, pour le coup, à Poe. Holdo, justement, dans une... Enfin, alors, ils se sont identifiés à Poe aussi par sexisme et compagnie, je pense, hein, clairement. Et c'est pas innocent. Mais il y en a qui sont identifiés à lui. Ils ont pris le message de Poe. Et Holdo, c'est Disney. Et bon, voilà, en gros, c'est je sais plus où je voulais en venir. Merde. Bah, ils ont pris ce que j'ai compris, et c'est un truc que j'ai vu aussi, mais voilà, ils ont pris la critique de Holdo pour Poe, ils l'ont pris comme une critique envers eux, comme quoi voilà il fallait accepter, ils ont pris ça comme un message méta, et je suis d'accord, c'est un truc que j'ai entendu. Puis aussi le code, puis on revient aussi au côté l'aide de Pass Dye, voilà, genre le film veut tuer, enfin Disney veut tuer l'héritage de Lucas, machin, veut tuer le passé. Tu mets ça idée, plus le truc de Poe, tu rajoutes aussi Yoda qui crame l'arbre, l'univers étendu qu'on fait voler, machin, enfin, il y a tout ça, quoi, et tout ça, quand t'es dans cet état d'esprit de certains fans dont on parlait avant, tu peux vite avoir l'impression que le film te crache au visage, quoi, je pense. Et c'est là que c'est toute l'ironie de la chose, c'est que un des messages principaux du film, c'est il faut accepter que vous êtes pas parfait, que vous avez des défauts, que vous avez fait des erreurs, que vous en ferez sans doute plein encore, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'en retirer des leçons et d'améliorer les choses et de pas rester engoncé dans tout ce qui est mauvais et de vous dire, ouais, c'est pas parce que j'ai été mauvais à un moment que je peux pas devenir bien. C'est pas parce que j'ai fait des erreurs que je peux pas m'améliorer. C'est pas parce que je suis pas bon à quelque chose que je peux pas devenir bon en travaillant dessus. Et c'est ça le truc, c'est accepter de vous remettre en question. Accepter ce qui va pas chez vous et travailler dessus et vous irez mieux plutôt que dire non mais moi c'est pas moi le problème hein, c'est les autres et puis ils ont qu'à pas me critiquer parce que je suis comme ça hein, je peux pas changer. Si tout le monde change, qu'on le veuille ou pas, on change de toute façon parce que l'environnement autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, nous fait changer. Je veux dire, ils sont constamment en train de se radicaliser à l'extrême droite, je veux dire ils changent hein. Bah oui, donc autant vu que tout en grandissant, on change forcément. Donc, autant que vous soyez maître de vos choix et que vous choisissiez le changement vers lequel vous voulez aller. Regardez, moi, j'essaie d'arrêter de couper Tuki, mais c'est pas de sa faute à elle, c'est moi. Hein. On a été méchants avec toi. Mais c'est bien parce que quand je t'ai dit que tu faisais trop de blagues qui pourrissaient un peu le truc parce que ça empêchait Grouchkov de... Il perdait ses pensées et tout, et ben tu ne l'as pas refait depuis. Tu vois, tu as accepté ta part d'ombre. Moi, je ne t'ai pas engueulé aujourd'hui pour rien. C'est vrai. J'étais c'est beaucoup vrai. Plus détendu. Mais le pain, c'était pour rien. Et le film n'est pas fini. 10 minutes ne nous a pas trouvé trop dur. Non, mais il reste encore 40 minutes. Après, sur ce film-là, j'aurais trouvé ça bizarre qu'il nous trouve trop dur. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de films. Bah, il peut nous trouver dur quand il y a les scènes avec Kylo, parce que bon, bah, c'est une réaction physique naturelle. Mais... Ah oh, d'ailleurs, je ne me permettrai pas. Je me permettrai. La suite, c'est que c'est la merde sur le suprématie. Ouais. Adrien voulait dire quelque chose, je crois. Il manque un bout. Adrien voulait parler. Oui, mais est-ce qu'Adrien a envie de l'entendre parler? C'est la question. Dis-moi que tu bolosses, c'est lui maintenant. Par rapport justement aux critiques que les gens peuvent faire à TNG, c'est justement le fait que bah, les gens n'acceptent pas à chaque fois, hein, parmi les gens avec qui je parle, à chaque fois le problème, il est d'ordre politique. À chaque fois, c'est « Ouais, Leia, c'est Spider-Man, c'est Superman. Ouais, Rey, c'est une Mary Sue. Ouais, Rose, elle sert à rien. » Alors qu'en fait, tout ça, c'est faux. Et les gens... Enfin, en fait, je pense vraiment que si des gens se sentent visés, bah c'est vraiment cool. Et en fait, on a vraiment eu une chance incroyable d'avoir Rian Johnson pour réaliser un film Star Wars. Ouais. Parce que c'est un film d'auteur, en fait. Comme c'est un cadeau, dit, ouais. Mm-hmm. Et c'est passionnant. Et vraiment, c'est un film qui est extraordinaire. Et pour le coup, il y a des vraies idées. Il y a des vraies idées artistiques et politiques. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et je crois que le fait que le film divise autant, finalement, c'est pas plus mal. Ah, moi je suis très content. J'ai vraiment envie qu'une fange de fans se barre, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui disait le film, il a pas divisé le fandom, il a divisé les gens bien qui aiment le film ou qui l'aiment pas. Ouais, de ceux qui sont des gens mauvais, c'est-à-dire qui pendant 2 ans ont harcelé les autres, menacé de mort, ont ragé pendant 2 ans et continuent sur un film et principalement. Parce que les femmes dedans, ils font des choses et sont plus représentées que dans tous les autres films hollywoodiens. C'est ouf, hein. Du coup, est-ce qu'on retourne sur le film ou vous avez d'autres trucs à dire encore? Copine, il y a un truc à régler avec quelqu'un, là. Ouais. Je sais que j'avais des trucs à dire là-dessus et j'ai oublié. Y a pas mal de monde qui dit que c'était pas terrible. Mais moi, ça me va. Et ben, moi, je trouve ça sympa parce que il s'est fait botter le cul, mais il a quand même gagné à la fin. Ah si, je sais ce que je voulais dire. Un truc qui me tue à chaque fois, c'est pendant qu'il y a leur duel au premier plan, au second plan, t'as BB-8 qui est en train de désinguer des Stormtroopers par un paquet de 10. Absolument tout le monde derrière. C'est extraordinaire, ça me fait j'adore trop rire. J'adore BB-8 sur ça. Oh, ce serait trop bien qu'ils en fassent un set Lego de BB-8 sur mais son... Mais il y a un set Lego de ça. Alors, sur il existe raquette, ce set Lego et c'est sûrement le pire set Lego de l'épisode 8 et même de tous les sets Lego Star Wars. Parce qu'on a juste... un bout de bipode, il n'y a pas le reste, il y a juste le bout du bipode et BB-8 en haut et une espèce d'ascenseur un peu moche et 3 figurines, enfin c'est triste. Ils vendaient 40 ou 45 balles, c'est une tristesse. Bah alors faites-en une statuette cool, un truc en résine, un truc réaliste. Non, c'est dégueulasse, ouais, le Funko. Pop, l'horreur. Non. Ah, j'aime bien, il n'y a personne qui aime les pop ici. J'en ai plein, mais enfin, on les a offerts à chaque fois en fait. Et moi j'aime bien leur baston aussi. Ouais. Et moi j'avais, tu te souviens, la bande son du film, elle était sortie, les musiques du film étaient sorties avant le film. Ouais. Et il y avait Chrome Dome et je t'avais dit, mais ça doit être le thème de Phasma ou un truc comme ça. Et oui, c'était ça. Enfin, c'est pas son thème, mais. Vu le peu qu'il développait Phasma, ça suffisait en fait. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. On savait qu'elle avait formé Finn, on savait qu'il y avait un antagonisme entre les deux. Voilà, il s'est réglé, point. Fin. Moi, je suis très frustré quand même. C'est vraiment une des déceptions du film. Mais je suis frustré aussi parce que j'adore Gwendoline Christie. J'adore son perso. Elle joue super bien. Le personnage est quand même relativement cool. Je suis assez kiffé le bouquin, même s'il est pas. Il y a aussi des défauts, mais le bouquin est assez cool. J'aurais aimé plus de Phasma, mais avec ce qu'on a eu à la base, on pouvait pas avoir beaucoup plus en fait. Je suis en train de me dire. Donc, Et en plus, elle a, enfin, elle est pas plus sa voix à Phasma dans Star Wars Resistance. Ouais. Du coup, c'est vraiment mort, quoi. C'est fini. Bah moi, en tout cas, je suis désolé, mais pour moi, Phasma, c'est la Boba Fett des nouveaux films. Mais sauf qu'elle avait un rôle important pour Finn, au moins. Bah ouais. Elle ne sert pas à rien. Elle a plus de temps d'écran que Boba Fett. Donc. Je pensais déclencher une réaction avec ça, mais non, vous avez été sage. Non, t'as vu, on n'est pas si pour dur que ça. Pour le coup, on te trouve trop dur. Pardon, mais c'est vrai que... Je te trouve un peu dur. Quoi. Il a dit la majorité. Ah putain, ça fait bizarre. Mais non, parce que Phasma, elle est là pour servir de développement à Finn. Oui, clairement. Elle sert pas à rien. Et elle montre aussi que, ben, tu vois, dans la Résistance, ils sont tous solidaires et unis. Bon, après, dans l'8, ça part un peu en couille à cause de Poe. Mais alors que dans le Premier Ordre, ben, il y en a qui hésitent pas à... Tu vois, elle défait les boucliers, tu vois, c'est chacun pour sa peau. Bah, surtout Phasma, c'est développé dans le bouquin, surtout, clairement, oui, sur elle. Sait mais, pas, en vrai. Elle, c'est vraiment ma gueule avant le reste. Hein, c'est... Oui. Oui, oui, c'est Mad Max, c'est ça. C'est l'instinct de survie à son paroxysme chez elle. Oui. C'est vrai que c'est dommage pour nous l'avoir vraiment vendu, de l'avoir sous-utilisé à ce point-là. Ils l'ont trop vendu, par contre. Ouais, c'est con. Bah, elle aurait été moins sous-utilisée dans le 7, elle aurait été plus utilisée dans le 8. C'est juste qu'il pouvait pas... Ça aurait été bizarre de faire plus avec dans le 8 que... Bah, après coup, ouais. Quoi, je pense. Et surtout qu'il y avait beaucoup... Il y a beaucoup de personnages principaux. C'est difficile de faire tenir autant de développement sur si peu de temps. Et c'est un personnage... Enfin, trop. Même si, enfin, il a plusieurs facettes, mais ça reste un personnage quand même assez basique. Tu crées pas un arc dessus, tu fais pas. Bah, c'est comme Snoke, hein. À Finn. Et c'est cool. Voilà, elle sert le développement de Finn, mais tu peux pas faire un arc entièrement sur ce personnage-là où il donnait un rôle très important. C'est comme Snoke, effectivement. Il était là pour faire évoluer le personnage.